Bonjour à tous et bienvenue dans Movies Nerd, le podcast des Nerds Cinéphiles, émission mensuelle où nous nous retrouvons entre passionnés de cinéma pour parler et donner nos avis sur différents films. Vous êtes à l'écoute de l'épisode 17, enregistré le 22 juin 2015. Ouais, on enregistre assez tôt ce mois-ci, mais le podcast sera disponible qu'à partir du 1er juillet. C'est dommage pour vous les loulous, mais c'est la vie. Donc, je suis Axel, votre hôte, si vous avez l'habitude d'écouter l'émission dorénavant, commencez à nous connaître. Heureusement, je suis pas tout seul, avec moi j'ai mes co-hôtes habituels, parce que sinon ce serait un peu triste quand même. En commençant par l'inventeur de cette magnifique phrase dans notre précédent podcast sur la saga Jurassic Park. Et là je cite, hein, Théa Léonie, c'est un peu le Jar Jar Binks de Jurassic Park. C'est bien sûr Eddie, salut. Je m'en suis pas rendu compte et j'étais trop fier. Ça va? Mais oui, ça va très bien. Est-ce qu'on peut dire que t'as créé un mème avec cette phrase? Une espèce de mais sensation je sais pas, sur internet. Je sais pas, il faut peut-être que je dépose une licence ou quelque chose. Parce que là, je suis content et c'était pas prémédité. En plus, c'était pas prémédité. En plus, on l'a pas trop remarqué à l'audio, moi non plus. Et non, c'est toi qui me l'as fait remarquer, ouais, moi voilà. En écoutant, j'ai pas capté plus que ça. Et donc voilà, je pense que t'es assez fier de ta petite phrase, et franchement oui. Quand je l'ai écoutée, je me suis bien remarré en réécoutant le montage, donc voilà. Et parce qu'elle est très vraie, justement. Oui, voilà. Ensuite, on retrouve à nos côtés notre Jean Roucas à nous, on va dire ça comme ça. Les jeux de mots, il en a fait sa marque de fabrique à tel point que vous êtes des milliers à le réclamer dans les commentaires. Il s'agit de Morgane, salut. Salut. J'attendais une phrase aussi gentille que comme celle que t'as dit à Eddie. Et non mais ça va, je suis content. Ben, j'allais être vexé, attends, mais ça va. Jean Roucas, c'est quand même. C'est quand même. À quand un spectacle sponsorisé par Movies Nerd? Moi, je l'attends. Hein. Ouais, quand on voit ce que Jean Roucas est devenu, je le prends pas comme un compliment. Mais Jean Roucas. Disons que j'irai pas taper des selfies avec Florian Philippot, tu vois. C'est pas. Peut-être pas. Oui, non, d'accord. C'est sûr que là, c'est pas trop le bon exemple, mais je prenais plutôt Jean Roucas de l'époque qui faisait ses jeux. Ah, ouais. Voilà. Donc on fait un podcast sur Jean Roucas ou comment ça se passe? Non, non, on va finir podcast avec politique. On va finir par présenter le dernier co-hôte qui nous accompagne à travers ce podcast. Mais pas des moindres, il revient dans le podcast après quelques numéros d'absence et ça fait plaisir. Le fantôme de Movistar. Voilà. De le revoir avec nous. Mais, donc, mais non. C'est Quentin, salut. Salut. Est-ce que tu vas bien? Oui. Depuis ces trois. C'est comment dans l'au-delà? Depuis ces 3-4 mois qu'on a pu avec toi. Donc, j'ai quand même le plaisir de annoncer qu'il s'agit du premier podcast avec l'équipe au complet, depuis que Morgane a intégré l'équipe du podcast. Et donc, ça fait super plaisir de vous avoir pour faire ce nouveau podcast. Sinon, est-ce que vous avez passé tous un bon mois de juin, même s'il n'est pas vraiment encore fini? Ça s'est bien passé? Au moment, oui, ça va. Ok, d'accord. Excellent pour moi. Excellent. D'accord. moi, je voulais juste revenir rapidement sur Parlons Cinéma, épisode 4. Je voulais juste déjà remercier Pascal encore une fois d'avoir participé à l'épisode, si vous l'avez écouté. Je suis désolé pour les problèmes sonores, on a vraiment eu un gros souci par rapport à ça, et j'ai fait ce que j'ai pu au montage, donc ne m'en voulez pas, la prochaine fois ce sera beaucoup mieux, je sais quel est le problème et je l'ai déjà réglé, donc voilà, c'est fait. On va passer au sommaire de l'émission. Donc, on commencera tout de suite avec le vidéoclub Movies Nerd, dont on parlera de Safety Not Guaranteed. Ensuite, on aura nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. On aura plusieurs films à vous présenter. Le film du mois, où on va vous parler de Jurassic World, un petit film pas très attendu ce mois-ci. Et ce sera la recommandation pas très recommandable. Donc, moi, j'avais proposé Gamer le mois dernier. Quentin vous proposera un film pour le mois prochain, voilà. Donc voilà, on est parti pour la première rubrique qui est le Vidéoclub Movies Nerd sur Safety Not Guaranteed. On est à la rubrique du Vidéoclub Movies Nerd sur le film Safety Not Guaranteed. Donc c'est réalisé, c'est le premier film, premier long métrage réalisé par Colin Trevorrow, dont on vous reparlera plus tard. Il est sorti le 8 juin 2012 aux États-Unis et le 3 décembre 2013 en France directement en VOD, puisqu'il n'a pas, il a pas eu une sortie en salle, donc voilà. C'est pas un gros film non plus. Oui, c'est pas un gros film, donc c'est un peu normal. Le casting, on retrouve Aubrey Plaza, Jake Johnson, Marie-Lyne Rajbuk, pardon, j'ai un peu de mal avec son nom de famille. Lequel? Marie-Lyne Rajbuk, si tu veux. C'est celui qui est hindou. Non, lui c'est Karan Soni. Voilà, Karan Soni. Et Kristen Bell, Jeff Garlin et Marc Duplass, et bien sûr Karan Soni, comme on l'a dit juste avant. Voilà, donc on va commencer peut-être avec Morgane qui va nous donner son avis sur le film. Est-ce que je resitue un peu l'histoire ou c'est pas nécessaire? Ouais, quand même. Rappelle vite rapidement le synopsis pour. Ouais, en deux mots parce qu'il est pas du tout représentatif de ce que le film nous raconte. C'est donc l'histoire de trois journalistes qui vont enquêter dans le but d'écrire un article sur un homme mystérieux qui a posté une annonce dans un journal qui proposait à un volontaire. Qui recherchait une personne volontaire pour voyager dans le temps. Donc voilà, c'est vraiment le strict minimum et je préfère pas en dire davantage vu que le film nous emmène un petit peu dans des chemins un peu inattendus. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors c'est tout frais, je l'ai vu ce matin, 30 minutes après m'être réveillé, donc ça remet d'aplomb pour la journée. Non, c'est original, c'est hyper original et j'adore un peu ce genre de film qui sort un peu nulle part au concept, un petit peu, c'est un peu farfelu quand même. Mais le problème, c'est que arrivé au bout du film, je me suis posé une question qui est peut-être un peu. Alors est-ce que j'ai compris le film ou pas? J'en sais rien. Je vais m'enseigner par rapport à toi, par rapport à ce que tu vas en dire. Mais j'ai l'impression que le film ne m'a rien raconté du tout. Vaguement une petite histoire d'amour, parce que tout ça n'est qu'un prétexte, hein, cette histoire de voyage dans le temps, etc. Ça amorce une histoire d'amour qui est pas très intéressante, parce que je trouve que les personnages sont pas attachants du tout. Ah bon? Même si les personnages sont pas attachants. Aubrey Plaza quand même, moi j'aime bien, oui. Même Marc Duplass. Ouais. Les acteurs sont très bons, hein, honnêtement. Aubrey Plaza jouait pas dans Park and Rec. Oui, Park and Rec. Colin Trevorrow va prendre chaque acteur de cette série pour les mettre dans ses prochains films. C'est sûrement à cause d'elle qu'il a connu Chris Pratt justement. Ah oui, c'est pas faux. Non mais les acteurs sont très bons. J'ai surtout adoré Marc Duplass, il est... Et Jake Johnson aussi. Il est horrible, Jake Johnson. Il est excellent. En plus, on le retrouve dans Jurassic World. Il est très bien, mais... En plus, il est dans mon personnage préféré dans Jurassic World, c'est lui, donc... Ah oui, c'est lui dans Jurassic World. Enfin, moi, je l'adore, ce personnage. Il est excellent. Il est drôle, ouais. Il joue qui dans Jurassic World? C'est le nerd avec son oui. T-shirt Jurassic Park. Oui. Okay. C'est lui qui te parle du Pepsi-osaure. Voilà. Après le casting, franchement, il est très bon. Les acteurs sont très bien. C'est les personnages, je les ai pas trouvés attachants. Ni très drôles, ni très émouvants, même s'ils... Il y a quand même des beaux moments. Moi, je trouve justement ils ont un petit côté marginaux attachant. Ouais, voilà. Personnages. Ouais. J'ai trouvé un peu. Moi, à mes yeux, ils sont pathétiques, mais ils essaient d'être attachants, mais ils n'y arrivent pas. C'est ça qui est beau, justement, je trouve. C'est que, en gros, c'est ce que dit le film, c'est qu'à cœur vaillant, rien n'est possible, quoi. Tu vois, il suffit pas de. Tout le long du film, je sais pas si je spoil ou pas. Je peux ou pas. Tu vas spoiler vraiment la fin? Bah oui. Ouais, c'est con. Non, il vaut mieux pas. Non, tant pis, j'avais un super argument. en gros, tout le long, tu te dis que c'est vraiment que des losers, et en fait, ils ont un côté loser, mais c'est pas, ils sont quand même capables de faire des trucs, quoi. C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti, moi. Ah non, mais j'ai aucun problème avec les personnages de losers au cinéma. C'est ce que je trouve... moi aussi, j'aime bien les losers, ce qu'on appelle les losers magnifiques, un peu. Là, c'est pas clairement ça, mais je trouve que, justement, c'est ce qui est bien, c'est que le film montre que, voilà, t'as l'autre, il a beau avoir je sais pas combien de diplômes, il a jamais réussi à pêcher une fille. Enfin, c'est des trucs comme ça, c'est tout bête, mais je trouve que... Je sais pas, moi ça m'a bien. C'est pas. Je trouve pas le film énorme, mais je trouve que le message est plutôt joli, quoi. Mais c'est très simplet en fait. C'est pas. Et c'est pas un film qui en fait des caisses. C'est très humble. C'est pas fait pour être. Voilà, c'est super humble. C'est. Un peu trop. Ah bon? Enfin, moi. Mais un peu trop, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il brasse quand même pas mal de vide pendant. Ça dure 1h25. J'ai quand même senti le temps passer. Pourtant, le film, il y a quelques beaux moments, notamment la scène de fin que je vais pas révéler. Mais le problème, c'est qu'arrivé à cette scène de fin, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Mais à rien du tout. Je trouve qu'en fait, le film, quand on le prend vraiment dans son ensemble, c'est limite si je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire avec ce film? Qu'est-ce qu'il a voulu me raconter? Alors du coup, il y a quelques... Mais c'est ce que je te dis, qu'en gros, t'as pas besoin d'avoir 36 diplômes et de sortir d'Harvard et tout pour réussir des trucs extra, quoi. Enfin, tu vois, c'est un peu ça, le message, je trouve. C'est bon. Je dis ça de manière très sommaire, parce que moi, j'en sors juste, je l'ai vu il y a moins d'une heure, donc... Mais c'est un peu, je trouve que c'est un peu ce qu'on ressort, quoi. C'est que c'est pas la peine de... Il n'y a pas vraiment de limite, en fait. Quand tu veux faire quelque chose, tu peux y arriver, que ça soit bon ou mauvais, surtout. C'est ça le truc. Mm-hmm. Après, je suis d'accord, mais peut-être que je préfère ce genre de personnage dans un autre contexte. Par exemple, les films de Judd Apatow, par exemple, qui te montrent des losers, mais vraiment, mais à fond. Ça dépend. Bon, ça va, Judd Apatow, même s'il en a perdu. 40 ans, toujours plus. Ah, j'adore 40 ans. Ah non, mais c'est naze. 40 ans, mode d'emploi et tout, c'était pourri aussi. C'est un des films préférés. J'ai pas du tout. Enfin, une des comédies préférées. Et là, justement, on est en plein dans le mettre en scène un loser et justement en faire quelqu'un d'attachant, de touchant et de drôle. Je trouve que le film, il est jamais très drôle, il est jamais très touchant et il est jamais pas grand. T'as pas rigolé une fois? Pas une seule fois. Ah bon? Mais moi, Jake Johnson, je l'ai. Ah, mais ouais, mais. Attends, en gros, dégueulasse de service, là, ça m'a bien fait rire, moi. Ouais. Justement, c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas hyper caricatural, en fait. Parce que 40 ans, toujours plus souple, c'est vraiment l'archétype du mec. Et pourtant, j'adore ans, Steve Carell, mais. L'archétype du geek. Alors que là, c'est un peu. C'est un peu monsieur et madame tout le monde qu'on voit dans le film. Je trouve quand même que le personnage de Marc Duplass, il est quand même assez caricatural. Oui, il y a lui, ouais. Cliché, hein. Mais les trois autres qui débarquent... Mais c'est le plus intéressant, je trouve. Parce que lui, on sent qu'il y a une psychologie dans son personnage. Et c'est vraiment pour ça que le film m'a tenu. Parce que je me suis dit, mais il nous emmène où? C'est pas possible. Enfin, il y a forcément quelque chose derrière. En effet, derrière, il y a quelque chose. Et la fin du film, que je vais pas révéler, il laisse quand même planer le mystère avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de finesse. Mais c'est quand même... 2 minutes de grâce sur un film d'une heure 25. Moi j'ai même cru que la fin du film arrivait plus tôt à un moment. Je me suis mis le doute. Ouais. Sinon, Morgan, tu as encore quelque chose à dire par rapport au film? Non. D'accord. Non. On va peut-être passer à Quentin si tu as quelque chose à dire par rapport au film. Moi, à la base, j'avais vu un petit moment, mais c'était surtout pour. Moi, je savais même pas que ce serait le réalisateur de Jurassic World qui allait le faire. C'était surtout pour Aubrey Plaza qui est mon cœur de Parks and Recreation parce que Aubrey Plaza elle est géniale dans cette série et on la retrouve dans un tout autre registre et moi je suis beaucoup attaché à son personnage, enfin je la trouve dans une super attachante contrairement au personnage qu'elle incarne dans Parks and Recreation qui est tout à fait antipathique mais génial quand même, enfin c'est la qualité principale du film pour moi, voilà. D'accord, ok. Mais sinon, enfin, les autres personnages, t'as pas rigolé à une seule blague ou c'était quand même marrant. Enfin. En fait, le film, je suis resté. Enfin, c'est vraiment. Enfin. Après, j'en garde pas énormément de souvenirs. Moi, si j'ai vu un petit moment, donc j'en garde pas énormément de souvenirs. Enfin, j'ai pas trouvé de. C'est pas un film qui m'a marqué. Enfin, c'est pas. T'as pas transcendé. Ok. Non. D'accord. Eddie, si t'as. Je veux rajouter par rapport. Non, à j'en ai déjà dit un peu. Enfin, moi, voilà, j'ai trouvé ça pas mal, je trouve que pour un premier film c'est correct, c'est pas mais c'est ce qui est bien, c'est que c'est humble en fait. C'est très humble, c'est il est pas c'est pas, il y a pas l'ambition de faire un truc énorme, il fait son truc quoi et il le fait plutôt bien, je trouve ça va, il va au bout de ce qu'il avait prévu et donc voilà, non moi je suis pas ça m'a pas transcendé non plus mais j'en garderai pas un mauvais souvenir quoi. D'accord. Personnellement, c'était la deuxième fois que je le voyais, donc j'ai vraiment bien autant aimé que la première fois. C'est l'archétype du film indépendant, entre guillemets indépendant, puisque c'est hors circuit Hollywood, c'est pas vraiment un vrai film indépendant parce qu'il y a quand même des producteurs derrière et tout ça, mais qui personnellement me plaisent d'habitude. Je prends un exemple, un de mes films préférés, c'est Little Miss Sunshine. C'est ce genre de film, voilà. C'est le film Sundance, si vous connaissez. Voilà. Moi, j'ai trouvé l'histoire très belle, bien écrite, drôle et touchante à la fois, malgré quelques baisses de rythme à certains moments. C'est le même, le même scénariste que Jurassic World. Derek Connolly, ouais. Enfin, entre autres de Jurassic World, parce qu'il y en a quatre. Oui, mais... il y en a quatre Jurassic World. Ici, il y en a qu'un, donc c'est Derek Connolly. Il y a quelques baisses de rythme. rythme dans le, à certains moments qui pourront ennuyer certains spectateurs. Ça n'a pas été mon cas. Moi, je me suis bien attaché au personnage. J'adore l'actrice Aubrey Plaza, que j'ai aussi découvert dans Parks and Rec, que j'adore et aussi. Je crois que je suis seul à ne pas connaître cette série du tout. Bah, moi non plus, je ne suis pas sûr. Je connais pas. Je crois que la. Parce que tout le monde connaît cette. Enfin, tout le monde. C'est limite si tout le monde a déjà vu cette série-là, en fait. Non, et tout le monde moi, connaît Chris Pratt, surtout. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai entendu parler de cette série-là par. Par quelqu'un qu'on connaît, Eddie, Océane. Oui, par Océane, oui. J'ai été googlisé un peu le truc, je connaissais pas du tout. Je sais même pas de quoi la série parle. Pourtant, il paraît que c'est très bien, oui, mais. Oui, mais. Enfin, je sais pas si tu connais The Office. Oui, oui. Tu connais jamais à peu vu, près. Mais oui. Ouais. Tu vois à peu près le même, c'est le même style de, d'humour et de. Sauf que ça se passe dans un. Tu vois, ces caméras à l'épaule, etc. Mmh. Avec des petites interviews entre les deux scènes. Ouais, c'est et du coup, ouais, c'est un genre de The Office, mais qui se passe dans un truc. Dans, je sais pas, une communauté de communes, quoi. Voilà. Je cherchais le mot. D'accord. Mais donc c'est très drôle, il y a des super acteurs qui ont pu découler de cette série qui s'est finie d'ailleurs cette année, que j'ai toujours pas vu la fin d'ailleurs, mais je suis très impatient de découvrir la fin. Donc voilà, Aubrey Plaza, que j'adore vraiment dans son rôle de stagiaire dans un magazine qui rêve de plus que de changer le papier toilette. Voilà. Ensuite, il y a Jake Johnson que j'adore dans Jurassic World et qui est vraiment drôle dans son rôle de quarantenaire. Qui va essayer de retrouver un amour de jeunesse. Tous les personnages sont bien écrits, intéressants, les dialogues sont d'une très grande qualité, et l'évolution de chaque personnage à travers le film est vraiment agréable à suivre, j'ai trouvé. La réalisation a rien d'exceptionnel, c'est vrai. C'est bien mis en scène, mais ça reste très classique, il n'y a aucune scène qui sort vraiment de l'ordinaire. Ce que j'adore avec le film, en fait, c'est vraiment tout le mystère qui est entretenu avec le personnage de Kenneth, qui est interprété par Marc Duplass. Et sa machine à voyager dans le temps. Ils n'utilisent pas des procédés narratifs faciles et usés jusqu'à la moelle dans beaucoup de films actuels, justement. Mais ils préfèrent entretenir le mystère autour de ce personnage jusqu'au bout du film, ce qui le rend très plaisant. Tu sais pas s'il est barré ou pas. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Et jusqu'à la fin, tu le sais pas. On s'en doute quand même un petit peu. On se doute de la réponse. Est-ce qu'il est taré ou pas? Je pense que la réponse nous est donnée dès l'instant où on sait vers quoi le film va nous amener. Ah bon? Enfin non, mais il y a quand même des rebondissements. Y a une découverte vers la fin du film qui fait basculer un peu. Celle-là, je l'ai un peu vu venir, j'avoue. Ah bon? Enfin, sans... Ouais. D'accord. Donc ouais, moi j'ai passé un très bon moment à suivre cette histoire, en fait, ce mystère autour du personnage. Il y a l'économie de moyens du film qui est très respectable. Il propose un film de science-fiction comme on en voit rarement. On ne tombe jamais dans le cheap. Ce qui aurait pu arriver avec un sujet comme ça, surtout dans un sujet comme voyager dans le temps, etc., avec une machine. Heureusement, il a su rester assez humble, ce que je trouve admirable, surtout lorsqu'il s'agit d'un premier film, en fait. Parce que dans un premier film, t'as toujours envie de faire plein de trucs, plein d'explosions, etc. Alors ouais, que ça reste modeste. Voilà, c'est très modeste et c'est tout à son honneur. Avant de finir, j'aimerais vous dire que la bande-son est d'une très grande qualité, comme souvent avec ce type de film. Oui. J'ai oublié d'en parler, voilà. Ça c'est vrai, j'avoue la bande-son. Avec par exemple du Summer Fiction ou du Hopping Owl et Brother. Là, je dois vous parler chinois comme quand Eddie vous parle de dinosaures, j'en suis désolé, mais ce sont des très bonnes références. Donc je vais pas tarder à vous parler chinois d'ailleurs. Voilà. Sinon, la BO est signée Ryan Miller, qui est plutôt de bonne facture pour l'ensemble, mais il y a un morceau que je vous passerai là en ce moment. Qui est juste magnifique et splendide, qui prend toute sa forme, toute sa force dans le film, et qui est intitulé Time Machine. J'en dirai pas plus. Voilà. Voilà. Donc c'est pas un grand film. De toute façon, il est pas pensé pour ça à la base, pour en être un. Mais franchement, à chaque fois que je le vois, je passe un très bon moment. Il a des problèmes, c'est sûr, mais je lui trouve un charme dans son envie de simplicité qui me plaît beaucoup. Et quand on me demande souvent, tiens, ce soir, je sais pas quoi regarder. Et j'ai envie de passer un bon moment devant un film que je n'ai jamais vu. Je réponds toujours en premier Little Miss Sunshine parce que c'est un de mes films préférés. Et ensuite Safety Not Guaranteed parce que c'est vraiment un conseil que je donne assez souvent. Et les gens sont rarement déçus par le film. Sauf moi. Voilà, mais ça c'est voilà. Non, j'ai pas été déçu, j'ai pas détesté, ouais. J'ai pas adoré non plus. Je sais que demain il sera déjà oublié. Oui, mais c'est pas un film qui est censé rester à graver dans ta mémoire non, à jamais. Non, c'est sûr, mais sur le coup, comme j'ai pas ressenti grand-chose... D'accord. J'étais juste curieux de voir où le film allait m'emmener, même si je m'en doutais un petit peu. Il y a 2-3 trucs qui sont un petit peu attendus. Mmh. Mais il y a y a quelques belles scènes. Là. Une des scènes finales, magnifique. Oui, oui, bien sûr. La scène finale, pour moi, elle reste. Maintenant que je l'ai vue une deuxième fois, elle ressort gravée dans ma mémoire, ça c'est sûr. Voilà. Elle est très très belle. Elle est très, très belle. Donc, si vous voulez rajouter quelque chose, sinon on va passer au coup de cœur. Non, c'est bon. Ok, d'accord. Bon, bah voilà, c'était notre avis sur Safety Not Guaranteed. Moi, je vous le conseille et Morgan ne vous le conseille pas trop. Sinon, le. Non, si, franchement, enfin, je le conseille, mais après. Non, ça mange pas de pain, c'est pas. Voilà, voilà. On vous le conseille tous à peu près. Voilà. On va passer à nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes. C'est parti. On est à la rubrique de nos coups de cœur, coups de gueule et découvertes de ce mois-ci. On va commencer avec un film que Morgan a vu ce mois-ci, donc c'est Spy. Vas-y, je te laisse le présenter. Alors Spy, c'est à mon sens la meilleure comédie que le cinéma américain nous a offert depuis un bon paquet d'années. Donc c'est réalisé par Paul Feig, qui avait fait sensation en 2011 avec Mes meilleurs amis, qui personnellement est un film que j'avais pas beaucoup aimé. Je l'avais trouvé en fait drôle dans sa première demi-heure, mais ensuite il n'y avait aucun rythme et du coup ça m'intéressait plus du tout. Mais il y avait un certain potentiel, enfin on sentait que le mec avait du talent et qu'il pouvait s'inscrire comme étant le nouveau Judd Apatow, qui lui était considéré comme le renouveau de la comédie américaine, et lui commence vraiment à prendre le dessus largement. En 2013, il avait réalisé Les Flingueuses, que j'avais adoré, avec Sandra Bullock et Melissa McCarthy, toujours. Et on peut dire que Melissa McCarthy est son actrice fétiche, vu que dans Spy, elle est un peu elle la tête d'affiche. C'est une comédie d'espionnage. Et j'insiste bien, comédie d'espionnage et non un film parodique. Parce que je pense que. C'est pas du Austin Powers, quoi. Pas du tout. Pas du tout. C'est un vrai film d'espionnage avec une intrigue, avec voilà, des rebondissements qui sont bien pensés. Personnellement, moi, c'est surpris, mais il y a une touche comique et qui est vraiment énorme, mais vraiment énorme, et qui marche pendant 2 heures. C'est-à-dire, le film dure 2 heures, c'est rythmé de bout en bout, il n'y a pas un moment de relâche, mais tout est drôle, mais vraiment tout est drôle, et en plus de ça, c'est joué. Je crois que les meilleures prestations comiques de l'année, on les tient dans ce film-là. Donc, pour les citer, bon, Melissa McCarthy, elle fait toujours voilà, ce qu'on attend d'elle. C'est voilà le comique un peu voilà le comique un peu absurde, le vulgaire aussi, vulgaire, et en plus c'est une actrice qui a beaucoup d'ironie sur elle-même. J'avais vu un critique dans Le Cercle, que t'aimes pas beaucoup d'ailleurs, Eric Neuf, qui a dit Melissa McCarthy, ça dépend, c'est que lui enfin oui, Eric Neuf, j'ai pas de problème qui si tu nous écoutes Ah mais il ne nous écoute pas, Eric Neuf. Il écrit pour Le Figaro. Non mais en fait Eric Neuf, il est. Non, il nous écoute pas, ça c'est. Le problème c'est qu'il aime rien, je trouve. Enfin, c'est même plus de la critique, quoi. Il fait vraiment vieux et gris, je trouve un peu. Désolé hein, pour ceux qui aiment, mais moi ouais, c'est vraiment l'impression qu'il me donne et ça me gêne en fait. Et bah, sur Melissa, il avait dit une phrase juste. Elle ne sera jamais Julia Roberts, même physiquement, elle le sait et elle en joue. Et c'est pour ça que j'aime cette femme, parce qu'elle a un humour sur elle-même, et surtout elle est drôle, mais c'est pour moi une reine de la comédie. À chaque fois qu'elle est dans un film, je sais pas quel talent l'habite, je sais pas comment elle fait, mais elle est à mourir de rire. Et dans ce film-là, elle fait ce qu'on attend d'elle, mais elle est surtout accompagnée de Jude Law, dont la classe est semblable à celle de Colin Firth dans Kingsman. D'ailleurs, les films ont un lien un peu fort, c'est vraiment l'un comme l'autre des comédies d'espionnage. Donc, ayant adoré Kingsman, forcément Spy prend voilà, suit aussi. Et Jason Statham, qui lui signe peut-être le meilleur rôle de sa carrière. Ah bah, en même temps, c'est pas compliqué hein. Alors justement et il le sait, dans ce film c'est une caricature de lui-même. C'est ouais, un essai, ouais, c'est le dedans, il est excellent. Ouais, enfin, vu le melon qu'il a, ça m'étonnerait hein, justement non, dedans, mais il est franchement. C'est que l'autodérision, et je pense justement qu'avec ce film, il redescend un petit peu, parce que c'est vrai, c'est l'acteur increvable, voilà, il sait l'image qu'il véhicule, et Paul, enfin le réalisateur comme lui, ils ont dû se mettre d'accord, et je pense que Statham, ça y a fait du bien de jouer ce rôle-là, ça lui permet de dire, je sais comment vous me voyez, et je vais un peu en rire. Et non, le film ne fait que ça, chacune de ses apparitions, c'est à se tordre de rire. C'est un espion mythomane qui a tout vécu, qui a tout fait, qui a fait les trucs les plus invraisemblables du monde. Et ça donne lieu à des répliques, mais qui sont, mais c'est écrit avec une, un talent, mais incroyable. C'est bien, si c'est sa démarche, c'est bien, hein, qui ah oui, non, ça. Mais, ah oui, non, ça se voit. Ça se voit. De toute façon, tous les moi, acteurs. Pour me donner envie d'aller voir un film où il y a Jason Statham, faut se lever de bonheur, hein, je te le dis. Alors, en termes d'action, je suis d'accord, mais alors là, dans un film où clairement il se fout de sa gueule, c'est un film où clairement Jason, c'est Jason qui se fout de la gueule de Statham, ou l'inverse. Et en plus, même par rapport à son rôle dans le film, où c'est clairement les femmes qui sont plus mises en avant, donc la méchante de l'histoire, c'est. Ah, mais ça, de toute façon, ça a l'air d'être propre à ce réalisateur-là. Lui, c'est. C'est un film qui est assez profond. Sa filmo en dit long de toute façon. Quand on sait justement qu'il va réaliser le prochain Ghostbusters et que c'est un casting uniquement, enfin féminin. C'est féminin, ouais. Ouais, c'est un reboot. Tellement quoi. Fort. Donc du coup, on voit bien que oui, lui, c'est sa démarche, mais c'est très bien, hein, de toute façon. Oui, justement. Il a raison. Et, hein. Et c'est vrai que les femmes dans le milieu de la comédie américaine parfois sont un peu relayées au second plan. Et là, à chaque fois qu'il réunit un casting féminin ou des personnages de femmes, elles sont toutes drôles. C'est pour ça qu'il était génial, mes meilleurs amis. C'est parce que c'était vraiment un groupe de femmes. On était loin des cuculs à praline de Sex and the City, par exemple. On est plus dans le. Bon, même moi j'aime bien Sex and the City, mais on était vraiment dans l'archétype des femmes, la blasée qui a ses quatre gamins, l'autre qui n'arrive pas à avoir une situation stable. C'est Desperate Housewives. Ouais, mais poussée à l'extrême, quoi. D'accord. Et on ne critique pas Desperate Housewives. Non, c'est très très bien. Je n'oserais pas. Paul Feig, c'est vrai, il considère, voilà, il croit au talent comique des femmes, en fait. Et il le rend très très bien, et avec justement avec il a raison, actrice, hein. Ah non, mais surtout ouais, Melissa McCarthy, c'est vraiment une femme à chaque fois qu'elle est dans un plan, mais on rit naturellement, et les répliques aussi, mais j'ai au moins une vingtaine de répliques cultes déjà. Pour moi, ce film mais Rose Byrne. Ah oui, Rose Byrne, elle est géniale dedans. Elle est exceptionnelle. Mais elle est géniale. Et on est vraiment dans un pastiche. Rose Byrne. Ouais, Rose Byrne. Ouais. Ah oui, elle joue dedans, je savais pas qu'elle jouait dedans. Qui joue le rôle d'une méchante, ouais, voilà. Autant dans la manière dont elle court. Enfin, elle avait joué dans Mes Meilleurs Amis aussi. Oui. Mais justement, ouais, elle jouait la coincée de service. Et ben là, c'est un rôle vraiment un contre-emploi. Même dans Inside You, c'est un peu la maman en détresse. Là, c'est vraiment la méchante, charismatique, un peu vénéneuse et tout. D'ailleurs, le film, il est super bien écrit. Et même le programme d'action, parce que dans ce genre de film, parfois, ils n'arrivent pas à trouver l'équilibre, je trouve. Parfois, le programme d'action est trop là, enfin, est trop présent, et du coup, l'humour passe à la trappe, ou parfois, c'est l'inverse. Là, ils trouvent le ton très juste, c'est bien équilibré. Du coup, le film, il est rythmé, c'est un rythme, voilà, qui faiblit jamais. Et on n'est pas dans un pastiche de James Bond, c'est vraiment un vrai film d'espionnage avec sa propre identité. Je pense qu'un 2 est en cours, très franchement. Et en plus de ça, c'est un film qui est étonnamment. Alors, une qualité qui est un peu galvaudée, je trouve, en ce moment, mais c'est un film féministe, mais clairement féministe, et qui dit beaucoup de choses. Justement, le personnage de Melissa McCarthy, qui a vraiment un passé, qui a ses complexes, voilà, ça parle aussi de c'est l'histoire d'une femme qui est complexée, qui ne sera jamais une espionne, et qui a du mal à y aller, qui n'ose pas dire à l'homme avec qui elle travaille, donc en l'occurrence Jude Law, qu'elle est totalement amoureuse de lui et tout. Enfin, elle se met en retrait, elle se dévalorise, et c'est un film justement qui est très féministe dans son discours, la façon dont il fait évoluer son personnage jusqu'à la fin. Et la fin, d'ailleurs, je la trouve assez étonnante, parce que ça, on pourrait s'attendre à une situation un peu convenue, un peu cliché, et le film, je trouve, évite quand même tous les clichés. Je trouve qu'il les évite tous. D'accord. Mais vraiment. Et c'est pour moi une bonne nouvelle, parce que je trouve que dans tout pays confondu, alors déjà aux États-Unis, je trouve qu'on nous a pas servi des bonnes comédies ces derniers temps. En France, je vous en parle même pas. Donc, et là, on a au quand moins. Quand même, Morgan, t'es dur. Pourquoi? Ben, on a eu plein de bonnes comédies en France dernièrement. Un peu beaucoup avec Robin Desbois. Oui, on a eu Robin Desbois, on a eu Bienvenue chez les Ch'tis, on a eu. Les profs. Un peu beaucoup aveuglément, c'était génial. Un peu beaucoup aveuglément, je trouve c'est plus un film romantique qu'une comédie pure, même s'il y a des moments. Pour sauver mon image, je précise que j'étais ironique, hein, là. Mmh, oui. Non, menteur. Ah. T'as un poster. Tu m'as demandé un poster de Robin Desbois, assume. C'est vrai. J'irais vachement te demander un poster d'un film que je n'ai même pas vu. Mais non, mais t'as envie de le voir. Non, surtout pas. Quelle horreur. Ah non, il y a l'autre là. Nice Blue. L'autre là, je supporte pas. Je suis trop ridicule, ce mec. Et bah justement, Spy, c'est le contraire. C'est drôle, c'est rythmé. Et en termes d'action, c'est super bien foutu. Et le scénario est bien écrit. Il y a vraiment. C'est vraiment un film idéal. C'est pour moi, pour l'instant, c'est le film de l'été et un des films de l'année. J'avais adoré Kingsman et pour moi, Spy est juste derrière. C'est vraiment que... c'est une grande nouvelle, ce film. Bon, je vais te dire, tu m'as peut-être un peu convaincu, mais je le verrai pas au cinéma, ça c'est sûr à 100%. Ah, c'est dommage, je pense qu'il faut. Au cinéma, ça porte et en plus, ce film. Non, mais je vais pas payer une place pour aller voir ça, je suis désolé. Tu peux, y'a pas de problème. Tu regretteras pas, franchement. Mais parce que je t'avoue que en ayant vu la bande-annonce deux fois, j'ai pas rigolé une seule fois. Non, je vois pas ce que ça t'apporte d'aller le voir au cinéma, par contre. Voilà. D'un avis personnel, je trouve que voir une comédie au cinéma... Oui, avec le monde qui rigole, etc. Oui. Voilà. Ouais. À condition que le monde rigole autour. Ouais. Alors, personnellement, je me souviendrai à vie de ma première séance, j'ai ri, c'est la première fois que j'ai ri aussi bruyamment pendant un film. Et j'avais l'air con, j'étais tout seul au premier rang. Tout le monde était derrière, et les gens me regardaient à la sortie. Ça me rappelle moi devant The World's End, tu vois. Le dernier pub avant la fin du monde. Ah, t'as ri devant ça, toi. Ah, mais moi c'est une. Ah, bah, voilà, chacun moi, tu vois, c'est une des meilleures comédies des dernières années pour moi. Voilà. Moi, c'est bien. Bah, tu vois, c'est ce qu'on se disait déjà sur en privé, c'est que pour moi les comédies c'est vraiment le genre le plus subjectif possible. Ouais. Tu peux faire plus subjectif que ça. Tu peux pas être objectif devant une comédie, je pense. Soit ça te fait rire, soit ça te fait pas rire. C'est ton type d'humour, etc. Moi, Spy, je le verrais sûrement pas au cinéma. Parce que, mais... Non, mais le truc, c'est que l'humour t'amène à ressentir des choses que les autres films. Voilà, un film d'action va te faire ressentir quelque chose, mais il peut pas te. Tu peux pas avoir. Comment dire. Une réaction physique. La même réaction. Mais non, mais je vais dire, c'est une réaction que. Une majorité va ressentir, alors que pareil devant un film d'horreur. Mmh, ouais. Tu vois, oui, l'horreur, c'est relatif. Il y en a qui sursautent, il y en a qui... Oui, il y en a qui s'ennuient aussi. Mais l'humour, c'est ça. C'est que ça touche vraiment à ta sensibilité d'une manière différente, en fait. Donc... Ouais. Voilà. Mais après, justement, Axel, je vais te poser une question, du coup. Mmh. Tu t'attends à quel style d'humour quand tu vois la bande-annonce qui, au passage, ne rend pas hommage au film du tout. Un truc. T'attends à quoi ? 40 ans, toujours puceau, un truc de Judas Pato. Un mauvais Judas Pato, parce qu'il y a des bons Judas Pato, il y a des mauvais Judas Pato. C'est différent, mais. Judas Pato, je trouve Judas Pato, c'est quand même vulgaire. Là, c'est pas vulgaire, hein, c'est vraiment des comiques de situation. Alors, oui, si je peux citer un extrait de la bande-annonce qui est peut-être un peu représentatif, c'est le moment où elle prend un scooter avec un toit. Je suis désolé, mais c'est alors, pas drôle. Alors, la façon dont c'est amené dans le film, parce que c'est précédé de quelque chose, et en plus, ce qui est bien, c'est que chaque gag, c'est-à-dire que le film ne se limite pas à un gag. Il continue le gag, et le gag amorce un deuxième gag, qui amorce un troisième gag. Ouais. Et tout. Il y a vraiment un fil conducteur assez, assez logique qui rend l'ensemble vraiment savoureux. Ouais, j'ai trouvé le film parfait auquel je pense quand je vois cette bande-annonce. Pour moi, ça me fait penser. Quand je vais aller voir ce film, je pense aller voir un Miss Doubtfire ou un truc comme ça. Non, pas Doubtfire, comment Miss Doubtfire. Non, Big Mama, voilà. Big Mama. Oh là, voilà. Non. Oh sacrilège. Madame Doubtfire, c'est magnifique. Madame Doubtfire, j'adore ce film. Donc c'est pas ça, c'est Big Mama. Voilà, je cherchais le mot. C'est ce genre de comédie là avec une. Enfin voilà, c'est un peu lourdingue, c'est un peu. Fausse blonde infiltrée et compagnie. Ah, ouais, voilà. Ah, je déteste ça, je vous promets, je déteste ça. Ça, c'est vraiment des films débiles. Mais vraiment, que Spy, c'est un vrai film d'espionnage qui est drôle. Et c'est là toute la différence. Big Mama, on est vraiment dans une parodie. Il y a beaucoup de thématiques aussi. Il y a beaucoup de thématiques. Ça se rapproche quand même plus de Kingsman. En plus, avec ce casting, où clairement, voilà, ils sont tous en autodérision, surtout Jason Statham, mais c'est. On n'est pas dans une parodie, c'est pas un pastiche, c'est un film avec sa propre identité et qui, j'espère, amènera un 2. J'espère qu'il marche d'ailleurs, je me suis pas renseigné. Dans l'ambiance, moi, je préfère. Déjà, j'adore Austin Powers, mais ça, c'est autre chose. Mais, oui, c'est très bien. Mais j'adore Johnny English, pas le deuxième, mais le premier de Rowan Atkinson. Le premier, il est réussi. Qui est très réussi pour moi. C'est quoi ça, c'est. Avec Rowan Atkinson, donc Mr. Bean. Ah oui, d'accord. Donc c'est un truc d'espionnage, une comédie d'espionnage avec l'humour de Mr Bean. Donc moi je suis assez friand de ce humour. Et c'est anglais en plus. Oui voilà, c'est britannique donc. Moi j'adore la comédie anglaise, j'y trouve très. Ah non mais c'est très bien. Donc voilà, moi ce genre de, enfin moi j'ai déjà un film que j'adore dans ce genre et je sais pas si je vais autant apprécier Spy que j'ai apprécié Johnny English. Après je pense qu'il faut pas s'arrêter à ça non plus. C'est que... ouais. Alors justement parce que Johnny English est vraiment une parodie, que la Spy ce n'est pas du tout. D'accord. Okay. C'est comme ça qu'on, je pense qu'on peut le percevoir. Même moi, hein, en plus le film s'appelle Spy et c'est pas même aux États-Unis il s'appelle comme ça. Donc on peut dire attention Spy parodie en plus avec Jason Statham. Enfin quand on voit l'affiche on peut craindre. Ouais. Non c'est un film avec des personnages que j'adore, que j'ai envie de revoir, que d'accord. Et qui m'a un peu touché. Je trouve qu'il y a une touche d'émotion vers la fin qui est vraiment bien amenée et qui apporte une profondeur un peu inattendue. D'accord. Et pour moi, c'est un de mes films coup de cœur de l'année, mais vraiment, sans problème. D'accord, ok. Bon, bah tu me l'as un petit peu vendu, on va dire. Un petit peu. Voilà. Oh. Mais c'est déjà pas mal. Hein. Déjà, c'est déjà pas mal. Déjà, tu peux dire que je le verrai. Ah, voilà. C'est un film que je verrai avant le top de l'année. Donc, moi, je voulais le voir. Hein. Il était dans mes envies, de toute façon. Ah, c'est très bien. Oui, non, mais oui, ça, je voulais le voir, c'est vrai. Ah bah, après, Eddie, je pense. Alors, très franchement, Eddie, je pense pas que tu vas sortir aussi dithyrambique que moi. Tu vois, enfin, moi, clairement, j'ai mis 5 sur 5 direct. Mais je pense que si t'as aimé Mes Meilleurs Amis, honnêtement, et que si t'aimes Melissa McCarthy, si t'aimes ce genre. Je pense que ça devrait pas. McCarthy. J'ai dit McCarthy. Ouais. C'est Dolores Van Cartier, c'est dans Sister Act. Ah, j'ai dit McCarthy. Désolé, McCarthy. Mm-hmm. Je parle vite, hein, excusez-moi. Non, je pense que tu vas apprécier. Peut-être pas autant que moi, mais je pense que ça, tu vas. D'accord, mais on verra bien. Pouffer de rire. D'accord. De toute façon, tu le sauras. Mm-hmm. Ouais. Donc, on va passer après la comédie américaine. Je précise que Quentin l'a vu. Hein. Ouais. Mais. Bah oui, d'ailleurs, Quentin, tu nous as rien dit. Ouais. Bah oui, c'est vrai. Mais moi, j'ai. Lui il est revenu, mais il dit rien, tu vois. Il est en arrière-plan. Soutiens-moi, Quentin, soutiens-moi. Non, je le soutiens totalement. J'ai adoré le film. Je trouve les relations entre les personnages absolument géniales, entre la méchante et le personnage principal. Enfin, la relation entre Rose Byrne et Melissa McCarthy, absolument géniale. C'est, franchement, même les rôles masculins, en fait, servent un peu d'objets, en fait, un peu des objets, comme Jude Law, en fait, au départ, il est vendu comme le super espion trop génial, et finalement, à la fin, sans trop spoiler, c'est carrément un gros crétin. Enfin, franchement, il y a plein de thématiques absolument géniales dans le film. Je trouve que c'est pas lourd, j'ai beaucoup ri aussi. Enfin, on m'entendait beaucoup dans la salle aussi. Non, franchement, je pense que j'étais le seul à rire. Enfin, j'ai beaucoup ri, voilà. D'accord, ok. Et tu m'as applaudi à la fin de la séance, t'as dit Morgan avait raison. Ouais, non, mais franchement, totalement. Par contre, vous l'avez vu en VO ou en VF? VF. Moi, VF. Et c'est les VF habituels. Ouais. Donc, je trouve que les références et le reste, quand même, enfin, même dans la VF, ça reste. C'est des références que le public lambda serait pas censé comprendre, mais après, quand t'es cinéphile, tout ça, ça fait rire, quoi. Enfin, c'est bien qu'ils aient gardé ça dans la VF, quoi. Ça fait... D'accord. Donc voilà, après une comédie américaine, on va passer à une comédie française. Donc Quentin a eu l'occasion de pouvoir voir L'Épreuve 2. Ah oui, je me dis. On va pas parler du film dont je vais parler après parce que c'est pas une comédie française en fait. Qu'est-ce qu'il dit? Donc que tu as pu voir. Une comédie française avec Chris Pratt et Brice Dallas Howard. Non, que tu as pu voir en avant-première, Quentin. Donc c'est L'Épreuve 2. Ouais. Donc vas-y, si tu peux nous donner rapidement ton avis sur le film. Voilà. C'est fait. Alors, on va passer On va passer à Jurassic World. C'est mieux que le premier. J'ai préféré au premier. Il y a même des fois où j'ai souri. Voilà, j'ai réussi à sourire devant L'Épreuve 2. Après, c'est casse pas trop battre un canard. Franchement, ça se voit, ça s'oublie aussi. J'ai pas passé un mauvais moment. Franchement, c'est pas. Tu déposes ton cerveau à l'entrée, voilà, tu passes un bon moment, quoi. C'est pas exécrable, quoi. J'ai pas eu les yeux qui s'est en film, c'est pas aussi lourd que j'ai pas tant de choses que ça à dire quand je. Ouais. Moi, je suis curieux quand même, hein, parce que j'ai pas aimé le premier, parce que je trouvais que le premier était pas drôle et pas rythmé du tout. C'est un problème de rythme. Mais le 2, je suis un peu curieux parce que j'aime bien l'idée du 2, en fait. J'avais trouvé ça raté le premier. Ouais, pareil, mais l'idée du 2, je la trouve assez sympa. Le fait voilà, de les faire bouger à Londres et tout, pourquoi pas. Et j'ai aucun problème contre Kev Adams, en fait. J'ai pas de problème contre lui. Alors que moi, c'est que... vraiment... Ça, non, c'est non, ma je trouve que non. Enfin, moi, Kev Adams, non, je peux pas, hein, c'est pas possible. Moi, quand je... Enfin, en plus, mon cinéma, je suis allé 3 fois au cinéma en une semaine, ce qui est un record pour moi, quand même. Et du coup, j'ai vu 3 fois la bande-annonce. Et à chaque fois, c'est Fast and Furious, s'il vous please. Enfin, voilà, des trucs. Mais... Ouais, non, mais lui, c'est pas possible, quoi. Je le trouve, mais... Je le trouve crétin au possible, quoi. Je comprends pas comment ce mec. Moi, ça me fait pas trop de pitié pour lui parce qu'il était déjà. Enfin, moi, je le trouvais pas bon déjà à la base. J'ai plus de pitié pour Didier Bourdon qui est vraiment tombé très très bas. Il est franchement, dans le film, il est très bon. Hein, franchement, quand j'ai souri dans le film, c'était vraiment pour lui. Hein, dans le premier, ce qui m'avait fait rire, c'était Isabelle Nanty en prof d'anglais. Elle est géniale là-dedans. Qui était complètement hystérique et je trouve que ça lui allait bien. Elle est toujours bien, Isabelle Nanty, je trouve. Mais d'ailleurs, le réalisateur, c'est pas un mauvais, hein. Enfin, Pef. Pef, ouais. Non, Laval, Pef, ouais. Ça va, mais ouais, King Guillaume, c'était bien de la merde, quand même. Hein. Alors, moi, j'ai pas vu King Guillaume, mais il y a un film de lui que je vous conseille, Essaye-moi, à Julie Depardieu et Pierre Richard et lui-même. Je trouve vraiment, c'est un film qui est pas très connu, mais qui est vachement drôle et c'est son premier film. Ah, c'est son premier. Je l'avais vu sur Canal+ à l'époque où j'étais au collège, je raconte ma vie. Et c'était, j'avais adoré ça. Ça a été une de mes comédies cultes, enfin une de mes comédies du. Ça a accompagné toute mon année de quatrième. Je me souviens, je parlais de ce film à tous mes profs. Voilà. Bref, on s'en fout. Et du coup, je sais pas si c'est fidèle à la BD. Enfin, je sais pas si t'as lu la BD. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment n'a rien à voir du tout. Même les personnages dans le caractère n'ont rien à voir. C'est la suite à Marvel, ça. Non, franchement, les grosses qualités du film, voilà, Isabelle Nanty, Didier Bourdon, après, bon, Arnaud Ducré, je supporte pas. Ça parodie pas un peu Harry Potter aussi, non? Oui, il y a beaucoup de gens les voient en costume. Il y a des références, il y a beaucoup de, beaucoup de clichés sur Harry Potter dans le film. Il y a aussi Stéphie Selma qui m'a bien plu dans le film. J'ai trouvé vraiment drôle. Je trouve que c'est une actrice qui donne le sourire envers cette actrice, vraiment. Ouais. Non, voilà, c'est un bon moment de passer, mais franchement, enfin, c'est aussitôt vu, aussitôt oublié, quoi. Enfin, c'est pas. Alors, c'est... Spy, on l'oublie pas. Voilà. Non, Spy, on l'oublie pas. Là même, plus le temps passe, plus j'ai envie de le revoir, Spy. C'est. Ah bah ouais. Ok, d'accord. Bon bah voilà, vous connaissez l'avis de Quentin maintenant sur l'épreuve 2. On passe, rapidement, on verra si ce sera fait rapidement. Donc sur mon coup de cœur à moi, donc de ce mois-ci, c'est Vice Versa, donc le dernier Pixar, qui est pour moi mon coup de cœur de l'année pour l'instant. Hey, carrément. Vraiment. Je vous invite à voir la critique sur le site. Je l'ai lu. Et la critique de Eddie qui a pas terrible, hein, d'ailleurs, mais non, elle est très très bien. Oh, modeste. Ça va être. Très... Voilà. J'étais pas du tout inspiré. D'accord. Mais okay. Ça vient pas du film, hein. C'est j'étais pas inspiré quand j'ai écrit. C'est compliqué d'écrire sur un film d'animation, je trouve. C'est très compliqué. Ça dépend. Non, moi j'ai pas trop de soucis. En tout cas pour celui-là, non, ça va. Voilà, Vice Versa, donc j'ai eu la chance de le voir en avant-première, donc j'étais super content et excité découvrir. On l'a vu le même jour, presque. Voilà, donc c'était dimanche. Le dimanche matin à 11h avec plein d'enfants dans la salle. Voilà, c'est ça, voilà, c'était ça. donc moi, Pixar, je les considère vraiment comme des dieux de l'animation actuellement. C'est vraiment, leurs films ont suivi toute ma vie en fait, puisque Toy Story s'est sorti en 95, quand je suis né, donc voilà. Toy Story, c'est un de mes films préférés de tous les temps, de toute façon. J'espère que ça continuera comme ça, d'être local pendant longtemps. Je suis vraiment pas objectif par contre quand je parle de Pixar. Mais c'est pareil, j'ai du mal à... Voilà. Ce qui est bien avec Pixar, c'est qu'ils dévoilent pas tout dans les bandes annonces en fait. Quand on s'assoit dans la salle... Quand je me ils dévoilent pas tout, mais ils savent donner envie de voir les films. Voilà, ouais. C'est ça. Quand je me suis assis dans la salle de cinéma, je savais à peu près de quoi le film parlait, mais je savais pas dans quoi j'allais être transporté. Et du coup, c'est toujours vraiment une très bonne surprise, et celui-là était encore une super surprise. Avant de voir le Vice Versa, j'ai eu droit à 2 bandes-annonces de 2 minutes sur les Minions, que je déteste. J'adore, moi. Voilà. Oh là là. C'est trop con, mais j'adore. Ouais, je suis d'accord. Je déteste les Minions, voilà, c'est dit, je suis désolé, hein, tous les gamins qui Ah, mais il n'y a pas que les gamins qui adorent les Minions, hein. Ouais, je suis... moi, pour moi, c'est les mecs qui ont vu une pub Oasis et ils ont fait un film dessus, quoi. C'est la bande-annonce, en plus, elle raconte tout du film. Et voilà, donc, moi, une des pires séances ciné que j'ai vécu, c'était sur Moi, Moche et Méchant 2. Oh, c'était horrible. J'aime vraiment pas ce film. Enfin, j'aime pas les mignons, j'aime pas ce film, voilà. C'est dit, j'en parlerai pas, en tout cas, ça c'est sûr, sur Movies Nerd. Ah, tu boycottes donc... carrément. Ah oui, non, mais j'irai pas le voir. Non, j'irai pas le voir. Ben, ça me fait pas rire, après, et j'aime pas, donc... Moi, je pense que j'en parlerai, Marc-Antoine. Moi, je suis d'accord avec tu toi. Tu pourras en parler. Moi, je trouve ces films-là, c'est vraiment... C'est la facilité à l'état pur, quoi. C'est tellement simple. Ouais. Pour moi, il y a aucune... Même en termes d'humour, il y a pas... C'est pas recherché. C'est trop simple, ça me... Ouais. Bon, après, voilà, ouais. Mais bon. Ah, mais c'est sûr, c'est pas hyper... C'est sûr que tu... Non, mais attends, quand tu vois un Pixar à côté... Voilà, c'est ça, par exemple. Mais ils peuvent avoir... Mais ils ont pas non plus... Après, faut remettre les choses dans leur contexte, c'est qu'ils ont pas non plus l'ambition de faire du Pixar, hein. Ils ont l'ambition de proposer des suites de gang, quoi. Bah ouais, mais c'est ça qui est dommage. Ouais. C'est pour faire du fric, hein, mais ça c'est sûr. Après, moi je sais que voilà. Alors que Pixar, c'est vrai qu'on sait que quand ils font un film, c'est parce qu'ils ont une idée, quoi. Mais Pixar, c'est des auteurs, c'est pas pareil. Ah, et Pixar. Mmh. Donc l'histoire rapidement du film, donc c'est la jeune Riley qui a dû quitter sa ville natale dans le Midwest pour venir s'installer à San Francisco à cause du travail de son père. Elle essaie donc de s'habituer à cette nouvelle vie, guidée par ses émotions, la joie, la peur, la colère, le dégoût et la tristesse. Donc c'est des petits personnages, donc en fait chaque émotion est représentée par un petit personnage qui contrôle tout dans sa tête. Donc voilà, quand elle a un rêve, ils envoient le rêve, enfin voilà. Je prends l'exemple le plus bateau parce que je veux vraiment pas vous dévoiler tout ce qu'il y a comme créativité et inventivité dans ce film, parce que c'est juste dingue. Quand je voyais le film, j'arrêtais pas de dire « Ah, bah, ça c'est super, ça ils ont trouvé ça comment ?» Alors juste comme ça, je commence à entendre cet argument un peu partout, et je le trouve, c'est certainement l'argument le plus con qu'on pourra dire contre ce film-là, parce que c'est négatif justement. Les gens ne comprennent pas pourquoi comment un déménagement peut bouleverser autant un enfant. Un déménagement, c'est horrible pour un enfant, et surtout pour un enfant qui passe à l'adolescence. C'est la perte des repères. En préadolescence. Mais oui, j'ai vécu ça, moi, et c'est horrible. Un déménagement. Bah oui, mais moi aussi, donc c'est. Déménagement où tu abandonnes tout, quoi, que tu sais que tu reviendras pas, que tes amis, bah, tu les auras que par internet, enfin, que c'est. Voilà. Donc c'est. C'est pas simplement un déménagement, c'est un changement de vie. Et je suis désolé, mais si ça, c'est pas perturbant. J'avais lu que c'était un peu faire sa princesse, etc. Bah non, moi je trouve pas. Je crois que les gens s'attendaient à, par exemple, le décès d'un proche, tout ça. Mais surtout que le personnage de Riley, à la base, ça a rien à voir avec ça. C'est pas du tout une princesse, justement. Elle est là pour ses parents, elle les soutient. Oui. Elle a rien à voir avec la petite fille chérie et tout. Elle est aimée par ses parents et ils ont une belle relation et tout, mais il y a rien de. Je trouve ça facile en fait comme argument de dire ouais, mais elle est juste choquée par un déménagement. Bah oui, un déménagement c'est choquant pour un enfant. Enfin, c'est un bouleversement énorme. Perturber, Il y en a qui le vivent peut-être très bien, mais tant mieux. Mais il y a beaucoup d'enfants qui le vivent très mal, et je comprends que. Enfin, pour moi, c'est pas saugrenu du tout, hein, comme trame scénaristique. Là, c'est de la sociologie, mais. Moi, je suis en plein déménagement en ce moment, et quand tu vois le bordel que c'est en termes de papier et tout, même en tant qu'adulte, t'as de quoi péter un câble, hein, des fois. Hein, donc. Non, puis même de partir d'un endroit où t'as vécu pendant 25 ans, 30 ans. Je pense que le film, justement, c'est... Dit comme ça, c'est une idée un peu. On se dit ouais, seulement, mais non, finalement, on n'a pas idée, ça peut foutre un bordel dans ta tête, quoi, un déménagement. Et quand t'es petit, parce que c'est les repères, en fait. C'est les lieux où tu as grandi, où tu t'es forgé ta propre amis, identité. Etc. En fait, donc. Ouais, et là, en fait, elle est coupée en plein processus, finalement, dans le film. Ouais. Surtout quand t'es ado. Donc voilà. Donc techniquement il repousse encore la technique comme à chaque fois, c'est splendide, c'est un régal pour les yeux. L'animation est d'une qualité assez impressionnante, chaque personnage bouge d'une manière très spécifique. Moi je me suis vraiment pris d'affection pour tous les personnages, émotions et humains. Le design des petits personnages est vraiment d'une très belle réussite, tel que Pixar nous y a habitués. C'est sympa quand même. On s'en souvient. Oui, bien sûr, mais ça reste, c'est pas non plus. Non, mais je voulais prendre un exemple, justement. On se souvient de ces personnages. Par contre, quand DreamWorks sort un truc violet, là, dégueulasse, qui parle avec aucun charisme, et puis ils appellent ça un film d'animation. Oh, Morgane. Voilà. Oui, c'est moi. Non. Voilà. Ouais, ça. Ouais, non, mais attends, tu vas pas me dire qu'elle a plus, enfin, que ce truc violet là, il a plus de charisme qu'aucune des émotions dans. Il est attachant. Dans à sa manière, il est attachant. D'accord. Mais moi, j'adore les petits personnages comme ça. Y a pas de problème. Maintenant. Encore une fois, la démarche est beaucoup plus simple. Alors, ce qui est intéressant dans Vice Versa, c'est aussi que par rapport aux couleurs, on s'en souvient par rapport aux couleurs. Oui. C'est, rien que ça. Ouais, c'est... et puis même. Enfin, moi, je trouve que le design est très très réussi, même s'il est simple. C'est pas vraiment dans la recherche. Enfin, quand tu regardes Monstres et Compagnie, certains monstres sont vraiment c'est un rond, un deuxième rond et des pattes et des enfin des jambes et des bras et tu t'en souviens ils très bien. Voilà, c'est presque. Ouais, voilà. Quand tu ressors de la salle, tu sais de qui tu parles quand tu parles de joie, quand tu parles de peur, de colère. Enfin voilà. Moi, je veux une peluche tristesse déjà. Oh. Moi, je veux une peluche de plus. En plus, ce que j'adore au niveau technique, c'est que il ressemble vraiment à une peluche. Tu trouves ils ont l'air une texture. Ils ont une texture comme ça que t'arrivais pas encore à voir. J'ai l'impression qu'ils ont un petit duvet en fait. Voilà, colère, c'est ça. Colère, il était. Et sur joie aussi, bah moi j'ai en fond d'écran, et donc j'ai les cinq personnages dessus, et du coup je vois vraiment chaque petit détail. Mais même dans le film, dans le film sur grand écran, c'est encore mieux, bien sûr. Voilà. Donc créativité, inventivité, c'est vraiment les deux mots qu'on va entendre le plus par rapport au film. C'est chaque minute du film est une merveille en termes d'idées de création. On est à chaque fois étonné, impressionné. Toutes les petites trouvailles visuelles, scénaristiques, sonores. Le film est très bien écrit, on ne s'ennuie pas à un seul moment. L'écriture des personnages est d'une qualité vraiment très bonne. Ah bon ? Tu t'es ennuyé ? Oui, je trouve qu'il y a un passage à vide. Ouais. D'accord. Je vois pas vraiment où. Mais... Quand elles essaient de rejoindre le QG, un peu, je trouve qu'il y a des facilités de scénario, un peu, je trouve. Qui D'accord, sont okay. bien écrites. Hein, mais je ne les ai pas ressentis, bon, mais. Enfin, moi, je les ai vraiment pas ressentis, donc. Je peux comprendre. Moi, il y a juste un moment où peut-être je me suis moins intéressé, c'est avec le passage, avec l'apparition du personnage, le petit éléphant rose là. Alors qu'il est utile, pourtant. Alors qu'il est utile. Moi aussi, je trouve que bon, il pourrait paraître un peu trop. Ça s'arrange un peu vers la dernière demi-heure, mais il y a bien au moins 10-15 minutes où je trouve que c'est. T'as l'impression qu'il va arriver pour faire son comic relief un peu. Maintenant, je peux pas. Mais heureusement qu'il est, il est là, ce personnage, parce qu'il il symbolise beaucoup de choses dans le film et dans l'écriture. Oui. Bah oui, justement. Il était indispensable, mais je sais pas. Je dirai après, de toute façon. Ouais, mais moi j'ai bientôt fini de toute façon. Donc le film est malgré tout vraiment drôle et tout en étant extrêmement touchant. Je suis passé du rire aux éclats, aux larmes de crocodile un quelques de fois. Je suis tombé vraiment amoureux du film, peut-être parce que je me suis beaucoup retrouvé dedans. Je ne peux pas dénier les sentiments que j'ai ressentis durant la projection. Il m'a vraiment, enfin, c'est bête un peu de dire ça, mais il m'a vraiment apporté un nouvel angle de vue sur la vie. En fait, il y a vraiment deux films qui ont fait ça pour moi. Vraiment, c'est un peu plus dark. Par contre, je me suis dit, Matrix, ouais, c'est possible que ça existe. C'est possible que je sois branché à une machine tout le temps. Et quand j'ai vu ce film, je me suis dit, ah, c'est possible qu'il y ait des émotions dans ma tête qui sont en train de tout, de tout gérer. C'est vraiment c'est les deux films qui m'ont fait voir ça, qui me font penser à ça. Et moi j'ai vraiment apprécié cet aspect-là. Et c'est sûr que je l'oublierai pas de sitôt, ce film. Le casting français est excellent, parfait, franchement. Ça nous change du Cyprien ou du Tal. Même Mélanie Laurent. Voilà. Mais la plus impressionnante, c'est quand même Charlotte Debon, qui vit son personnage de joie à fond. Mais alors, il y a un truc qui me stresse, c'est qu'elle a un peu la voix de Claire Guyot, je trouve. Ah oh, oui, ouais, ouais, et ouais, je pensais aussi que c'était elle. Ouais, ouais. Ouais. On pourrait facilement les confondre. Hein. Et puis, Gilles Lelouch aussi, qui est impressionnant. Enfin, moi j'adore colère, cet acteur déjà. Pierre Niney. Marie-Lou Berry. Elle est géniale. Marie-Lou Berry aussi. Je suis positivement sûr que tu vas te perdre. Marie-Lou Berry qui est très, très drôle, d'ailleurs. La bonne enchalante et tout. Ouais. Et je suis très impatient de le voir en anglais parce qu'il y a des acteurs que j'apprécie beaucoup. Dans le casting, dont Amy Poehler, donc qu'on a déjà parlé Jane ici Lane dans Parks and Rec. La mère. Oui, Jane Lane aussi dans le. C'est Poehler. Poehler ou Poehler. Ouais, non mais en fait je l'ai fait parce que enfin j'ai dit ça comme ça parce que je voulais pas que tu fasses la blague. À la leur ou à la Poehler. J'avais peur. Mais bon, comme c'était obligé qu'on y passe, voilà, vous avez... voilà, donc on va passer vite fait Lewis Black en colère, que j'adore vraiment, c'est un super comédien, si vous connaissez pas, allez voir son spectacle qui est génial. Avant dans de finir, j'aimerais... Aussi, il y a celle qui fait la voix de la mère, c'est Françoise Cadol. Françoise Cadol. Qui est certainement l'une des plus belles VF qu'on a, nous, je pense. Sa voix, elle est magnifique. Elle a une voix, c'est celle qui double Angelina Jolie. Et qui double aussi Rose Byrne dans Style. Voilà, ah d'accord. Et d'accord. Mais Rose Byrne, elle n'a pas vraiment de doubleuse attitrée. Hein. Mais elle a une voix tellement... pas pour moi, je suis comme toi. Hein, c'est... Ah ouais, elle a une voix... C'est, elle a vraiment une belle voix. Belle voix pour moi, c'est très, la plus belle. Très douce, très... elle a doublé. Et puis, elle fait vraiment tout, quoi. Enfin, quand elle double Angelina Jolie, elle a commencé à la doubler sur... Tomb Raider, et elle a doublé déjà Tomb Raider dans les jeux. Oui. Dans les, ouais, dans elle a doublé les Lara Croft. Oui, ben voilà, je me disais aussi que j'avais entendu mais ça. Mais à cette voix... Elle est très très... Dans Maléfique comme dans Universal, elle apporte quelque chose de maternel, en fait, presque. Enfin, c'est ça, elle a une voix chaude et réconfortante. Voilà. Et puis pour finir, casting original, Bill Hader qui est aussi génial. Qui est aussi génial normalement. Et quand je verrai le film en VO, je verrai ça s'il est aussi bon dans le film. Je crois que c'est la première fois que le casting VF m'intéresse plus que le casting VO. En fait. Ouais, pareil. Casting VO m'intéresse pas du tout. Moi, c'est assez égal parce que j'adore vraiment les acteurs qui sont dedans. J'ai pas encore parlé de Midi Carling, etc. Mais c'est vraiment. Enfin, moi, j'adore. Ils sont pas super connus en France, c'est vrai. Mais j'adore vraiment ces acteurs et ces comédiens. Avant de finir, j'aimerais rappeler que Monsieur Michael Giacchino, qui a composé la musique, donc apparemment il ne doit pas dormir beaucoup cette année, vu qu'il compose les meilleurs BO de cette année. C'est vrai. Et qui ne s'arrête apparemment plus. Il prouve encore son talent sur cette bande originale Vice Versa, qui est une petite merveille que j'écoute assez souvent. Mais moi, je ne m'en rappelle pas, en fait. Elle m'est pas trop restée, cette BO, bizarrement. Ah, moi, j'ai gardé au moins 2-3 morceaux qui sont vraiment restés en tête et puis que j'écoute assez souvent, et du coup, non, c'est ah bon. Ah, oui, je sais pas, ça m'a pas. Je sais pas, elle m'a pas plus marqué. Bon, c'est pas le meilleur Michael Jackson, vois, ça je vais pas te dire. Mais Jupiter Ascending m'avait vraiment marqué parce qu'il y avait des morceaux assez puissants. Et puis là, on va en parler après, mais Jurassic World aussi. Ouais. Même à côté de ça, tout ce qui est Star Trek et tout, moi je trouve que c'est excellent. Mais là, c'est vrai que il n'y a pas de thème. Oui, Lost, évidemment. Mais il n'y a pas de thème, je trouve, qui m'ont. C'est bizarre, hein. Mais il faudrait peut-être que je la réécoute. Ouais, il faut peut-être que tu la réécoutes parce que. Moi, au début, j'étais pas aussi sûr que ça. Mais quand je l'ai réécouté après, je me suis dit, ouais, c'est vraiment une très très bonne BO comme il nous y a habitués. Et du coup, voilà. Pour finir, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est le meilleur film que j'ai vu cette année pour l'instant. Il dépasse d'un cheveu Tomorrowland, alors que vous connaissez mon amour pour ce film. Ça devrait vous indiquer l'enthousiasme que j'ai pour Vice Versa, quand même. C'est un des seuls films que j'ai pu voir dans ma vie de cinéphile qui m'a fait me sentir comme un enfant et un adulte en même temps. C'est aussi un des seuls films où il suffit que je vois une image d'un moment triste durant celui-ci pour que j'ai les larmes aux yeux. Par exemple, j'ai mis une image dans ma critique, à chaque fois que je la vois, j'ai les larmes aux yeux qui commencent à c'est couler. Mignon. Parce que c'est vrai, parce que c'est quand elle explique d'où elle vient, etc., la première fois qu'elle se présente à la classe. Oui. Magnifique. Voilà, et je trouve ça très... D'ailleurs, l'ouverture du film est très très jolie. Hein. Oui. Ouais. Avec la naissance de Joie et tout ça, là c'est vraiment super mignon. Hein. Ouais, c'est super beau. Et, d'ailleurs, je vais casser un peu le truc... Vous savez qu'en France, on l'a eu notre Vice-Versa à nous en France. Non, je vous promets. Non, c'est pas une blague. Est-ce que attendez-vous vous souvenez au pire. De la... Non, mais bon, ça m'a fait penser à ça. Est-ce que vous vous souvenez des publicités Allianz avec Charlotte Rampling? Ah vous oui. Vous savez, il y a dans la mais tête. Mais le pire, c'est qu'il a raison. Bah oui, fait... y a la raison. Et ça fait un peu ça. C'est t'avais les publicités avec. Eh ben voilà. Tu voyais les émotions, ouais. Mais oui. Ouais. J'ai pensé à ça, je me suis dit, ça me fait penser. Et il y avait Charles Trampling qui jouait la raison, je me souviens. Ouais. Bon, et bah voilà, Pixar a copié sur nous. Voilà, je suis désolé. Non, mais je pense pas, mais. Non. Donc, pour finir, je peux pas assez vous chanter mes louanges pour ce film. Il faut absolument aller le voir. Enfant, adulte, adolescent, quel que soit votre âge, ce film vous fera voyager chien, à travers l'esprit. Chien, chat, cheval, humain. Oiseau, allez-y. Oh, voilà. En plus, la fin est juste géniale. En plus. La fin, elle m'a marqué la fin. Et donc, vous allez traverser l'esprit humain sous un tout et rester pendant le générique parce que c'est très drôle beau. Aussi. Voilà. De toute façon, vous êtes un peu obligé de rester pour le générique parce que ça continue direct. Ouais. Donc. Voilà, à moins que vous êtes pressé. Non, mais t'as toujours des gens qui sortent. Ouais, moi je comprends pas non plus. Donc voilà, moi j'ai tout dit. Maintenant je vous laisse parler sur le film. Si vous avez quelque chose à dire, à rajouter par rapport à ce que. Moi je veux bien. Vas-y. Moi j'ai bien aimé. Vraiment, hein, j'ai vraiment passé un bon moment. Mais comme je disais, je trouve qu'il y a un petit passage à vide quand même au milieu ça m'a un peu ennuyé, quoi, parce que je pense qu'il y avait pas besoin de ça et je sais, en fait, je trouve pas qu'il serve tant que ça à l'écriture, malgré le fait que dedans il y a des personnages qui soient nécessaires, eux, justement, au développement du film. Ouais. Mais tout le côté où ils essaient de rattraper la gare, le train et tout, ça fait un peu bizarre par rapport à quand on dit ça comme ça, mais faut voir le film. Je trouve que là il y a des passages quand même qui, bon, tu te dis oui, c'est en fait, t'as l'impression que c'est un peu pour faire durer, quoi. C'est vrai que le passage par exemple en 2D est très sympa, mais tu te dis, ce qui sert à quelque chose, c'est pas obligatoirement pour servir à quelque chose dans l'histoire. C'est un moment comique ou alors un moment il y a certains moments qui sont peut-être pas super utiles pour l'histoire, mais qui sont quand même là pour faire ressentir justement des émotions, pas justement, pas que pour servir l'histoire. Après, il y a un humour constant dans le film qui est plutôt sympa. Ouais, non, qui est vraiment super bon. Enfin, c'est du Pixar, donc si vous aimez, vous allez adorer. C'est pareil, par contre, quand je lis que c'est hyper, les personnages sont caricaturaux, on parle d'émotions. Donc évidemment, ça va être un peu caricaturaux, faut arrêter de raconter des conneries. Mais c'est pas con ce que tu dis. Que joie soit joyeuse, c'est d'une logique imparable. C'est vrai, c'est un peu con. C'est normal aussi. C'est comme ça. Et c'est un film qui est... Donc, c'est un film que j'ai trouvé extrêmement intelligent et limite utile, mais vraiment utile dans ce qu'il nous dit sur justement, parce qu'il nous parle des émotions, mais pas que, et juste ce que ça dit, c'est un vrai film psychologique en soi. Parce qu'on dit tout, on pense souvent que justement, quand on voit le film pendant tout le film, c'est très casse-gueule comme projet. Hein. C'est surtout que au tout début du film, franchement, je disais, mais en fait, tristesse, ça sert à rien, virez là. Et en fait. Et les personnages là, le mettent limite un peu à l'écart, en plus tristesse. Voilà. Au départ, j'avais peur que ça aille dans cette optique là, qu'ils se disent ouais, mais bon, en gros, la tristesse, elle aurait pas avoir sa place dans le QG des émotions, alors que si, en fait. Justement, enfin. Bah, ça sauve des vies, clairement. La tristesse ça sauve des vies, et je trouve qu'il nous amène à ça, et c'est dans un film grand public. De toute façon, Pixar, je sais pas comment ils font. Je rêverais de les voir travailler, ces mecs là. Tout simplement. Je sais pas si c'est important. Je pense que travailler pour Pixar, c'est vraiment un truc enfin, ça doit être un rêve éveillé. Mais je sais pas si. Déjà, quand tu vois leurs locaux, putain. Je sais pas s'il y a eu des reportages qui ont été faits d'ailleurs. J'aimerais bien voir un peu l'intérieur. Si, il y a des reportages qui ont été faits. Donc en fait, ils ont vraiment des salles de jeu, etc. Bon, après, ils vont pas te montrer les mecs qui sont sûrement là jusqu'à 6h du mat pour te rendre un truc. Après, je pense qu'en fait, c'est de toute façon des auteurs. Et pourquoi ce sont de bons auteurs? C'est parce qu'ils sont en stimulation constante, en fait. Voilà. Et puis, ils ont quand même la chance d'avoir une grosse firme derrière qui leur refuse pas grand-chose, faut bien l'avouer. Par contre, Disney, on peut dire ce qu'on veut, mais... Alors, concernant Pixar, on peut quand même dire qu'ils leur laissent vraiment carte blanche et ils ont raison en même temps. Maintenant que John Lasseter est un peu chez Disney en même temps, il va pouvoir laisser un peu partout. Bon, par contre, ce qui me dérange avec John Lasseter, c'est qu'il a décidé de faire que des dessins animés 3D chez Disney. Il a dit qu'il voudrait plus faire de 2D et ça me dérange un peu. Je t'aime, hein, John Lasseter. Mais là où je suis content, justement, c'est que l'influence Pixar, elle arrive aussi chez sur Disney, ouais. On le voit quand même dans leur dernier film, c'est quand même pas la même écriture que dans les premiers. Hein. Il y a, je sais pas, tu regardes Réponse, La Reine des Neiges et tout ça, il y a quand même des thèmes qu'on aurait moins vu avant. Ouais. Enfin, La Reine des Neiges, on peut dire ce qu'on veut, mais le thème sur l'amour fraternel et sur la quête identitaire et le bien et le mal, tout simplement, parce que finalement l'héroïne est un peu l'antagoniste aussi. C'est pas forcément des thèmes qu'on aurait vu avant, quoi. C'est quand même assez ambigu, alors que Disney, on était vraiment dans l'univers du joyeux où les gentils sont très gentils, les méchants sont très méchants. Et l'amour très. Mais c'est ça. Et en fait, on garde cet esprit-là, mais avec plus de subtilité quand même. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup La Reine des Neiges, parce que il est très représentatif de ça. Alors, je sais que Morgane est en train de manger son clavier, mais. Mais moi, je l'ai découvert il y a pas longtemps parce que je l'avais jamais vu. Et j'ai vraiment apprécié parce que il se fout de la gueule des Disney que j'aime pas, donc ça, genre Blanche Neige, etc. Je suis désolé. Hein. Ah non, critique pas Blanche Neige. Voilà. Blanche Neige. Non mais voilà, j'aime pas Blanche Neige. La chicolère qui est en train de péter un câble là-haut. Et donc voilà, il se fout de la gueule un peu de tout ce truc un peu gnangnan. L'amour vaincra toujours. Enfin, l'amour d'un homme pour la pour la petite princesse un peu gnangnan qui sait rien faire sauf chanter et faire des gâteaux. Enfin, voilà. Après, peut-être que c'est une connerie, mais. Non. Peut-être que c'est une connerie, mais j'ai l'impression que le film qui a un peu été le déclic pour ça, c'était. Alors. Réponse. Non, Rebelle, chez Pixar. Rebelle. Ah oui, bah oui, Rebelle. Qui est quand même un peu l'anti-conte de fées. Hein. Ouais. La princesse et la grenouille, on n'en parle pas assez, mais j'ai l'impression que c'est plus lui quand même qui a. Ouais, ouais, aussi, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais je crois que. La princesse et la grenouille. Il me semble que Rebelle est plus récent. Hein. Ouais, 2012. Ouais, non, Princesse à grenouille, c'est 2009. Ouais, je voilà, crois. Ouais. Si je ensuite, il y avait Réponse en 2010. Réponse qui était géniale aussi. Ouais, Réponse, j'aime beaucoup. 2011, Rebelle, etc. 2012, voilà. Ouais, ou 2012. Alors, oui, c'est vrai, 2012. Voilà, est-ce que Quentin a quelque chose à dire? Parce qu'on n'a pas entendu parler sur Vice Versa. Vous avez tout dit, mais je pense à la même chose. T'as aimé le film? J'ai vraiment beaucoup aimé. Vice Versa, en fait, il est arrivé un peu à une période de ma vie où je me suis totalement reconnu dans le personnage de Riley. Enfin, même si on n'est pas vraiment dans la même phase, parce que voilà, j'ai passé le stade de la préadolescence. Toujours une fille, hein, malheureusement. Ça y est, la rébellion de Quentin est terminée. Il se rebelle, le petit. Ça y est, il est fini. Bah, je suis un peu passé par les mêmes émotions qui se mélangent. En fait, c'est ça que représente Vice Versa. En fait, c'est représenté de la meilleure des manières, je trouve, le passage à l'adolescence. Enfin, l'innocence qui s'en va, toutes ces choses-là. Et puis même, elle passe pas vraiment à l'adolescence pendant le film. Hein. Je voudrais pas. Vers la fin. C'est vraiment la préadolescence, ce qu'elle vit là. Elle vit vraiment la période la plus charnière, en fait. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il y aurait vraiment. Au lieu de nous faire un Cars 3, faites-nous un Vice-Versa 2. Merci. Voilà. Non, moi j'aimerais bien qu'il nous fasse pas de suite. Tout simplement. Ah bon? Mais franchement, non, moi je préfère qu'il reste et qu'il nous pondent des trucs originaux, parce que les suites. Toy Story 4, là. C'est toujours mieux qu'il fasse des trucs originaux, c'est sûr. Faites-nous le monde de Dory. Ah, c'est une suite? Bah, oui, mais là par contre, je veux. Un film avec Dory. Je prends les paris. Nous sommes le 22 juin 2015. Ce film sera horrible. Je le sens pas du tout. Mais non. Non, c'est à chaque fois, parce que Dory, justement, c'était le personnage parfait dans le genre second rôle. Que là, la voir, je pense qu'il va y avoir une overdose. Mais il va peut-être y avoir quelque chose. J'ai peur. Ouais, mais ils vont sûrement trouver un truc. Ils sont pas mauvais sur les suites, hein, Pixar. Hein. Ouais, oui, c'est vrai, si c'est aussi réussi que Toy Story 2, il y a pas de problème. D'ailleurs, le 4 me fait flipper. Hein. Moi aussi. Le 4, il y aura pas Woody, il y aura pas Buzz. J'ai pas envie que ce film existe, en fait. C'est ça. Il y aura pas Woody et Buzz. Non, apparemment, Woody et Buzz ne sont pas là. Hein. Ah vous ? Bon, faut qu'on m'explique l'intérêt. Pareil. C'est comme faire. Voilà. Attends, d'ailleurs, j'ai vu une référence à Nemo dans Vice Versa. À un moment, quand on est dans le. Oui, mais de toute façon, il y a des références tout le temps. Hein. Oui, tout le temps. Tout le temps, mais j'étais fier de moi parce que j'avais repéré le clin d'œil. Voilà. Ah oui, voilà. Et le monde d'Arlo que j'attends énormément. Le voyage d'Arlo, ouais. Ouais, le voyage d'Arlo. Enfin, parce que je confonds, c'est The Good Dinosaur en anglais. Mais je préfère le titre en anglais parce que. Il a vraiment l'air excellent. Le voyage d'Arlo. Le premier ouais. teaser. L'idée est super. En plus, ils nous ont passé la bande-annonce juste avant le film, vice versa, donc j'étais encore plus content. Et le, d'ailleurs, on n'a pas parlé du petit court-métrage. Mais moi, très, j'ai très pas beau. Vu de court-métrage. Je l'ai, hein. je l'ai pas vu non plus. Ah bon non, j'ai pas eu de court-métrage, moi. Il diffuse jamais chez moi les court-métrages. Oh non, j'ai c'est eu droit dommage. À vous... une fête givrée quand j'ai été voir Cendrillon. Là oh, Dieu. Oh, mais non, mais de toute façon, je l'assume, j'ai été voir Cendrillon, j'en avais parlé. Mais non, par non, contre, non, j'ai non, pas non, vu. Non, j'ai pas vu Lava. Donc, et c'était quoi en fait? Mais Lava, c'est une super belle histoire en fait, avec un volcan. Enfin, c'est vraiment tout en chanson. Je sais pas si tu l'as vu, Quentin, ou pas? De quoi? Lava, le non, court-métrage non, juste non, avant. Non, non, j'ai pas eu non plus. Mais c'est pas possible, moi dans mon petit cinéma merdique là, je l'ai pas vu. Non, pareil qu'Eddie, j'avais vu la fête givrée avec Cendrillon, mais j'ai pas eu. Deux volcans tombent amoureux sur des siècles d'existence. Voilà, c'est super beau, c'est tout en chanson, même en français c'est super beau. Est-ce que c'est Jean-Jacques Goldman qui chante Lava? Non. Non, mais c'est là-bas, c'est Jean-Jacques Goldman. Lava, Lava. Bah, je sais, mais j'ai fait un jeu de mots. Lave, si tu préfères. Si vous, si vous voulez voir un super court-métrage, je sais plus sur quel Disney était présenté, c'est Pepperman. Ah, ça te regarde, c'est excellent, ouais. C'est tout en noir et blanc, et c'est la nouvelle animation, et c'est top, c'est génial. Pour moi, un des meilleurs court-métrages de Pixar, c'est celui qui est passé avant Monstre University. C'est avec les parapluies. Ah je oui. Sais pas si vous l'avez oui. vu. Qui est c'est mignon magnifique. Ça, ouais. Ouais, ouais. C'est... En plus, au cinéma, c'était vraiment super beau. Et enfin, voilà. Bon, je pense qu'on a assez parlé de Vice Versa. Mais allez le voir, c'est super, franchement. Ouais, franchement, allez le voir. Pour moi, c'est. Le détour. Moi, personnellement, c'est pas mon Pixar préféré. Mais ouais. je m'accorde quand même à dire que c'est certainement leur plus créatif. Et heureusement, ben, parce que là, ils avaient vraiment la porte ouverte à tout. Pour créer, justement, ils ont su utiliser leur support. Donc, il faut aller voir Vice Versa. Ce sera mon film d'animation personnel... de l'année, quand même, je pense. Ben, il n'y a pas grand chose d'autre. Hein, ouais, moi, j'ai vu. Ah oui, il y a les nouveaux héros. Ah, ce sera peut-être les nouveaux héros, du coup. Ah non. Ben, si, parce que en termes d'appréciation, je me suis. Cap. voilà. Donc, personnellement, pour moi, les Pixar, c'est Toy Story, Monstres et compagnie, et vice versa. Ah, carrément. Voilà. Ah, les Indestructibles, quand même. Et le monde de Nemo. Mais oui, les Indestructibles juste après, mais voilà, enfin après si je me mets à tous les citer tout à on va faire tout des jaloux, etc. Pixar, donc Rebelle voilà, honnêtement voilà. Même pas en rêve hein. Bon. Cars quoi je peux pas Cars et Rebelle je peux pas Rebelle moi j'aime beaucoup mais Cars Rebelle, moi je jette juste les deux Cars voilà. Les deux Cars à la poubelle mais après ouais. Et Planes tout ça là c'est pas possible. Ah Planes non, mais c'est pas c'est Disney Toon, ça c'est encore pire. Heureusement c'est la partie fast food de Pixar. Ouais voilà. Non, c'est Disney, ah, c'est Disney s'il te plaît. Oui, oui, oui, non. Disney, pas Disney à ce Toon, là, c'est les suites, genre La Belle et la Bête 2. Ah mon dieu. Voilà. Bon, on va assez parler de médiocrité. On va passer à notre film du mois. Donc, c'est parti pour Jurassic World. À notre film du mois, donc c'est Jurassic World. Voilà, il est enfin là. On va pouvoir vous en parler. On vous en a déjà pas mal parlé sur le site. Si vous avez vu toutes les critiques donc de Eddie et Morgan, pas Morgan qui est présent ici, mais Morgan du site et moi-même. Mais là, on va vous en parler dans le podcast. Donc, c'est Jurassic World réalisé par Colin Trevorrow. Au scénario, on a Colin Trevorrow, Derek Connolly, Rick Jaffa et Amanda Silver. Donc, 4 personnes au scénario. Il est sorti en France le 10 juin 2015, aux États-Unis le 12 juin 2015. On retrouve Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson, Ty Simpkins, Irfan Khan, Vincent D'Onofrio, que j'étais très content de revoir, BD Omar Sy, Jake Johnson, et puis après, voilà, Lauren Lapkus, Et puis Cathy McGrath. Ouais, aussi Judy Greer qu'on voit un tout petit peu. Ouais. Jimmy Fallon. Voilà, ça oh, c'est elle est géniale, ça, elle est géniale dedans. Jimmy Fallon. De qui ? Judy Greer ? Non, Judy Greer, ouais, je l'aime bien. Waouh, elle est géniale, on la voit. Si non, moi je c'est ma limite. Non, mais moi c'est une actrice que j'aime beaucoup et qu'on voit jamais. On la voit Ouais. On la voit pratiquement pas elle m'a fait penser à ma mère donc Ah oui. Donc déjà je toi aussi ta maman quand tu vas aux zoo elle te dit voilà. Si quelque chose te prend en chasse quoi. Voilà, non, mais quand elle pleure au téléphone D'accord. Voilà. Donc je préviens d'abord qu'il y aura une zone spoiler mais ce sera un peu plus tard. D'abord on va je vais d'abord laisser Eddie parler parce que on sait à quel point t'es fan de Jurassic Park, on sait à quel point tu attendais le film, tu l'attends autant que j'attends Star Wars, donc c'est dire niveau d'attente. Je pense que c'est un degré d'attente comparable. Voilà. Et du coup, j'aimerais bien avoir ton avis de vive voix, puisque je l'ai déjà, lu, mais ton lu. Avis. Si vous avez eu le courage de lire. ton analyse plutôt qu'une critique. Mais bah, très intéressant. Je suis désolé. Oui, mais elle non, mais était... c'était très intéressant. Hein. Elle était longue, mais. Mais c'était justifié. Mais je l'ai écrit vraiment à chaud, quoi. Ça faisait. J'avais juste une demi-heure de route entre la sortie du ciné et le moment où j'ai écrit. Donc. Ouais. Donc voilà, j'ai vraiment. Et je voulais l'écrire comme ça, dans le ressenti surtout, parce que c'est toujours plus intéressant. Maintenant que tu es plus posé sur le film, que tu as eu le temps de réfléchir à propos de ce film, donc voilà, ton avis sur le film. Il n'a pas trop changé parce que je ne l'ai pas encore revu, je pense que je vais le revoir à la fin du mois. Je vais profiter, il y a la fête du cinéma je crois à la fin du mois. Ouais. Et je vais en profiter quand même pour le revoir parce que moi j'ai bien aimé, hein. Je pense que c'est un secret pour personne. Pourtant je partais pas, je partais semi-confiant on va dire. J'étais heureux du retour de la franchise mais j'avais quand même peur de ce qui pouvait s'insinuer dedans. Surtout les premiers retours, parce que les premiers retours étaient vraiment pas très bons. Enfin, c'était très partagé chez beaucoup de monde. Et donc j'ai fait abstraction de ça et je me suis dit tant pis, tu vas voir le film et tu te bases vraiment que sur ce que toi tu vas ressentir quoi. Et justement je trouve que le film il est discutable comme on disait en privé, mais il y a quand même des trucs qui font que c'est pas un film de merde quoi. Et je sais pas si ça justifie $1 milliard au box-office. Non, je pense pas. Là maintenant ils vont être trop confiants et ils vont. Ouais. J'ai très très peur des suites par contre. Ouais. Parce que là ça prend des directions que je voulais pas voir du tout. Ouais. Et qu'on sentait venir. Hein. Qui sont évoqués dans le film et puis on pense que finalement non, ça sera pas forcément ça. Puis en fait là ils sont en train de nous dire que si. Enfin c'est bon bref. Donc voilà, mais qu'est-ce que j'ai pensé du film ? Écoutez, moi je suis retombé quand j'avais 10 ans, notamment grâce à la musique, que je trouve, on parlait de Michael Giacchino, merci. Ouais, alors là, merci. Il reprend John Williams avec beaucoup de respect, et ça c'est bien, et en même temps il n'oublie pas d'apporter sa patte bien à lui, je pense notamment au thème As the Jurassic World Turns, qui est excellent. Ouais. Et ensuite le Orex is bigger than yours, désolé pour mon anglais mais c'est un thème qui est vraiment excellent, très tribal et tout, et je trouve que c'est excellent. C'est un thème qu'on voit vers la fin du film, sans spoiler, c'est le thème où il y a une scène qui a marqué beaucoup de monde. Donc oui, moi j'ai vraiment apprécié le film et je suis content parce que finalement je m'étais pas trop planté dans mes analyses. Et je m'étais pas trop planté non plus dans mes craintes sur certains trucs. Même si pour moi finalement là où j'avais des craintes, c'est pas trop mal amené dans le film, ça passe. Ouais. C'est pas hyper crédible. Je sais pas, on peut spoiler ou pas ? Pas encore, on attend la zone spoiler. On attend d'avoir la vie de tout le monde en fait. Ouais. Au niveau de mes craintes, c'est un peu concrétisé sur certains trucs, mais ça passe parce que c'est amené assez intelligemment. Ouais. Et après, en termes de film en lui-même, alors je peux comprendre le. Je comprends le fait que voilà, les gros fans du premier des années 90 soient déçus. Parce que, bah, comme moi je l'avais prédit dans ma première analyse, c'est que Jurassic World, c'est un film des années 2010. Ouais. Et je pense que moi j'ai pas été déçu parce que je partais dans cette optique-là en fait. Je savais que je reverrais pas Jurassic Park. Je savais que j'allais voir Jurassic World. Et ce qui est génial dans le film, c'est que ben, Jurassic World n'a jamais la prétention d'être mieux que Jurassic Park. D'ailleurs, il nous dit clairement que c'est impossible d'être mieux que le premier. C'est très humble et c'est pas forcément un film qui a son identité propre parce qu'on est quand même beaucoup dans le fanservice, qui moi m'a plu, mais je comprends que ça puisse déranger. C'est vrai que ça empiète justement un peu sur l'identité qu'aurait pu se faire le film, un truc bien à lui. Et je pense qu'en fait le but du film, c'est surtout de faire renaître de ses cendres une franchise qui est un petit peu tombée dans, enfin, qui était un petit peu tombée dans l'oubli. Mais je suis pas sûr finalement parce que vu le nombre de personnes qui ont été le voir en salle, c'est que c'était quand même bien. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui se souvient du premier, du deuxième, mais même du 3, hein, je pense. Du 3, qui ont découvert ça en salle. C'est pas mon cas, mais je sais qu'il y aura beaucoup de nostalgiques qui sont allés le voir, sûrement, qui ont peut-être été déçus, mais au moins ils sont allés le voir, ils sont allés donner leur argent à Universal, mais voilà. Et donc je pense que bah, du coup c'est une franchise qui va s'étoffer sur les suites maintenant, et que Jurassic World c'était vraiment pour relancer le truc, quoi. Donc c'est pas un reboot, ce serait peut-être plus un remake entre guillemets, et encore. Ouais. Non, tu pourrais prendre ça comme un spin-off en fait. Un spin-off de. Non, mais comme une suite directe. Hein. Ouais. Comme c'est annoncé, pour moi, voilà. Bon, j'ai ressenti énormément d'émotions évidemment, parce que il y en a beaucoup qui étaient contre l'idée d'un parc fonctionnel. Moi, j'en rêvais de voir ça. Ouais. Parce que j'ai beaucoup joué aux jeux PC, aux jeux vidéo. Jurassic Park Opération Genesis, en fait, qui te permettait de. C'était un jeu de gestion où tu faisais ton Jurassic Park à toi. Et du coup, on se l'idéalise un peu, on se fait un peu une utopie du truc. Et moi, j'étais très content de voir ça. Voilà, moi, je trouve que ce parc, même si je sais que ce serait une catastrophe que ça existe en vrai, moi, je serais fou, je pense, parce que ce serait. Ça donne envie, quoi. Il y a vraiment. Je le trouve crédible, en fait, ce parc. C'est les eaux du futur avec des animaux du passé. C'est ça. C'est un genre de futuroscope préhistorique, un peu. Et je trouve que ça rend bien. Le film en lui-même, même s'il prend des directions très, très blockbuster actuelles, il est quand même dans un vrai respect de son héritage, contrairement à ce qu'on peut raconter. Je vois pas où Jurassic World chie à la gueule de Jurassic Park. J'ai cru à un moment que ça allait être ça. Dans la scène, j'en parlerai après, mais dans une fameuse scène avec les enfants dans un endroit bien précis. J'ai cru que ça allait partir en couille à ce moment-là et j'ai eu très très peur. Je me suis dit, oh non, faut pas faire ça. C'est très très mauvaise idée. Moi j'ai vraiment été très emballé et je pense que du coup je vais vous laisser parler parce que j'aurai plus de choses à dire dans les spoilers. D'accord, ok, pas de soucis. Donc Quentin, maintenant, tu peux, enfin, si tu veux bien nous donner ton avis sur le film que tu as vu récemment. Alors moi, ce qui m'a beaucoup plu dans Jurassic World, justement, c'est ce qu'on disait avant enregistrement. C'est son parti pris pour la femme, en fait. Là, on s'attendait à ce que ce soit Chris Pratt qui soit un peu celui qui allait gérer la situation. Mais c'est vraiment de Bryce Dallas Howard que la solution finale arrive, enfin que la résolution des problèmes arrive. En plus, elle n'était pas du tout prédestinée à ça au début du film. Non, pas du tout. C'est la petite PDG bien rangée, qui est très très à cheval sur les. C'est l'adjectif qui avait été employé pour la définir et c'est vraiment ça, ouais. Ouais. Et donc, d'ailleurs, elle joue vachement bien, Bryce Dallas Howard. Elle est géniale dans le film. Pas que dans celui-là. Hein. Non, pas que dans celui-là. Dans Le Village, donc dans plein d'autres films, elle est géniale. La couleur des sentiments aussi. Après, que dire de plus, j'ai été vraiment ébloui par les effets spéciaux, par les paysages en général. Si on peut rebondir là-dessus, parce que c'est pas du spoiler. C'est un truc qui me faisait très très, très peur. Moi aussi. Et justement, j'avais peur. En plus, toi, Axel, t'avais vraiment évoqué le fait que t'avais peur de pas arriver à tout suivre et que ça soit un déluge d'effets spéciaux constant. Ouais. Et je trouve que là, ils ont vraiment bien géré. Ils ont bien géré, même si. Il y a quand même 90% d'effets spéciaux numériques et 10% d'effets physiques, ce qui est un peu dommage, je trouve. Mais on en a un petit peu et on garde un tout petit peu l'essence de ce qu'il faisait Jurassic Park. Mais je suis content parce que c'est quand même, c'est pas vraiment sa démarche, mais comme Jurassic Park en 93 qui montrait qu'on pouvait faire des choses avec les effets spéciaux, Jurassic World il montre un peu ça aussi quand même, te montrer que l'image de synthèse ça peut quand même avoir une bonne définition parfois quand c'est bien fait. Quand c'est bien. Mais par contre il y a quelques endroits où ça, il y a des petits trucs ça bave un peu. Qui quoique un peu plus, mais moi je pense à toute la mise en scène de Trevorrow, de toute façon elle est très bonne je trouve. Et il y a par exemple toute la scène où les deux enfants, enfin les deux frères là, sont dans la gyrosphère au milieu des troupeaux de sauropodes là, avec les apatosaures, les stégosaures et les tricératops. Je la trouve vachement bien quoi, parce qu'on a vraiment l'impression les animaux font vraiment vrai, ils sont impressionnants, et la scène est. Après, c'est peut-être l'angle de la caméra qui veut ça aussi, mais on a vraiment la sensation de gigantisme des bestiaux, en fait. Et visuellement, là, ça rend très bien, quoi. Même le mosasaur, qui n'a pas dû être facile, hein, parce qu'il est dans l'eau, il y a quand même... moi, je trouve que ça rend bien, hein, on y croit. Hein. Surtout, ça fait très... En fait, le film, je le trouve très immersif. Enfin, on sent vraiment... Oui. On rentre dans le parc. Voilà, au début, quand il ouvre la fenêtre, déjà, il y a la musique là, mais c'est bon, c'était parti. Génial. Le plan séquence, c'était parti. Et puis on était dans le parc et on voyait toutes les activités touristiques, genre les enfants avec les petits dinosaures et tout ça. J'étais pas fan au début. Je me suis dit, s'il faisait ça, enfin, si le parc existe, il ferait ça. C'est sûr, à 100%. Mais on a ça en vrai. Hein, mais oui, on a ça en vrai. Les zoos, hein, t'as les enclos à biquettes, hein, où tu peux. Enfin, ouais, c'est un peu. Bah, évidemment, mais bah, non, parce que à Jurassic World, le T-Rex mange des chèvres. Mais dans les vrais zoos, tu peux rentrer avec ces animaux-là, quoi. Moi, je suis pas pour ça. Oui, mais c'est normal. Enfin, moi non plus. Mais c'est réaliste, ça existerait. Ça existerait, ouais. Mais de toute façon, c'est la qualité du film, c'est que. Il est très malin en fait dans ce qu'il raconte. On arrive à y croire. Il est malin, oui, justement, parce qu'on arrive à y croire. Et puis il utilise ça justement pour nous montrer que c'est pas toujours terrible, quoi. Ça, on en reparlera après, mais vas-y, Quentin. Donc, moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est l'aspect immersif du long métrage. Après, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter. T'as passé un bon moment devant. Après, je trouve, après, ce que je regrette un petit peu, c'est que le film part dans la fin est explosive, elle est bien, enfin c'est beau à voir, mais ça part un petit peu dans le avec les dinosaures. On parlera de ça plus tard. C'est surtout de cette scène là qui nous rappelle qu'on est bien dans les années 2010, quoi. Voilà. 2010. Voilà, c'est ça. D'accord, donc Morgan, on va te laisser donner ton avis sur le film, qui est peut-être un peu moins un peu moins enchanté que nous, je sais. Bon, il a pas détesté, je crois. Franchement, j'ai passé un super moment. D'accord. Mais je le dis, j'ai passé un super moment. J'ai trouvé ça sympa. Et je m'attendais à rien d'autre. En allant voir le film, ça va juste être. Au pire, ça peut être une immense surprise. Mais au mieux, ça va être sympa. Et c'est juste sympa. Maintenant, là où je suis un peu plus réservé. Le film me plaît moins pour les raisons que beaucoup de fans l'aiment. C'est-à-dire que ce que je lui reproche, c'est d'être par moment un décalque du premier, je trouve. Mais il n'atteint pas justement il n'atteint jamais et il cherche pas à l'atteindre. C'est ça. Jamais, c'est important de le dire, je pense. Mais il l'atteint quand même pas. Et même si, enfin, en soi, je me dis, si tu cherches pas à l'atteindre, pourquoi le faire, si ce n'est que faire du fanservice. Le film ne fait que du fanservice, en soi ça me dérange pas, parce que j'ai été touché quand j'ai entendu la musique, la reprise de la musique de John Williams, j'ai été touché quand j'ai vu le il a pas modifié, hein, Giacchino. Il l'a juste repris, hein. Quand j'ai vu le personnage avec le t-shirt Jurassic Park, les clins d'œil, j'ai adoré les clins d'œil, il n'y a aucun problème. Maintenant c'est vrai que quand j'y réfléchis, je me dis, est-ce que le film il arrive à exister autrement? J'ai l'impression qu'il n'arrive pas non plus même si c'est pas son but, il n'arrive pas à se débarrasser du premier et du coup il perd en identité. Je trouve que le film il n'arrive pas. Il arrive à s'en débarrasser. En fait, il arrive à rester dans l'hommage du premier tout en s'en débarrassant. Je trouve que le mot débarrasser, il est trop fort, mais il est il l'efface pas, quoi. Il est là, le premier, il est là, il sera toujours là. Et en fait, le film en a bien conscience, parce que t'as plein de scènes quand même qui te montrent que ouais, le premier existait. Le fait, enfin, il y a des scènes qui nous rappellent sans cesse, ça c'est vrai. Et je pense que c'est peut-être un peu le défaut qu'on peut lui reprocher. Je pense que c'est son principal défaut, de toute façon. C'est que bah, le fan service, c'est bien quand t'es fan, mais c'est vrai que quand tu l'es moins, bon bah ça peut passer pour un truc bon bah ouais, c'est là, en gros, nous les autres spectateurs, à quoi on sert, quoi, enfin on vient voir un film, on vient pas voir une reddit du premier, et c'est pas ça, je pense, c'est pas une reddit pour autant, parce que pour moi, de toute façon, pour moi le plan final du film, parce que en gros on pourrait penser que le film est vraiment ancré dans le passé, justement à tout le temps nous rappeler le premier. Et pourtant, le plan final, mais vraiment le dernier plan avant le générique, pour moi, c'est vraiment une ouverture vers l'avenir, quoi. C'est ce qui nous montre que le film est ancré dans son époque aussi. Et c'est surtout, comme je l'avais dit, quand je t'en avais parlé une fois en privé, c'est une manière pour Colin de dire merci à Spielberg. Et on le sent, et je trouve que en termes d'intention, le film, il est hyper beau. Et je peux pas y retirer ça. Maintenant, je suis fan, oui, mais c'est exactement ce que je crains pour Star Wars. J'ai pas envie qu'ils me refassent les mêmes plans, des plans iconiques. J'ai envie qu'ils fassent des trucs qui réinventent un peu le truc. Je m'attends pas du tout à ça, moi, pour Star Wars. Non, moi, j'attends un truc. Non, franchement, j'attends. Non, mais justement, j'espère qu'il fera pas. Non. Parce que dans même si c'est très beau, évidemment, j'ai été ému quand j'ai entendu la musique. Évidemment, quand je vois, voilà, les différents clins d'œil, je suis touché. Mais je me dis, mince, en fait, je suis touché pour les mêmes raisons que j'ai aimé le premier. J'aurais aimé être touché en ressentant des trucs un peu, un truc un peu plus neuf, et un film qui me propose autre chose qu'une espèce de reddit du premier, qui est pas désagréable, qui est super bien foutu. Visuellement, c'est splendide, c'est vraiment beau. Comme disait Quentin, il y a une immersion. Enfin, moi, j'étais dedans pendant 2 heures. Les acteurs sont impeccables. Les personnages, des scènes de tension, je trouve. Ah oui, mais après, c'est les personnages. L'Indominus Rex, il fout les jetons, hein. Enfin. Moins que le T-Rex, quand même. Bah, justement, le T-Rex me faisait peur quand j'étais petit, et maintenant, le T-Rex, c'est un peu. C'est l'icône, quoi, maintenant. Mm-hmm. Bah, c'est l'icône, mais justement, dans le film de Spielberg, son iconisation est beaucoup plus forte que là. C'est bien juste... sûr. Ah ouais, c'est comme dans le film de. Ah, c'est comme dans le premier. Et finalement, c'est. Et voilà, ça s'arrête là. Mais après, mais l'Airex, il est, enfin moi, ouais, il fait peur, quoi. Il est, puis il est mauvais. C'est vraiment une sale teigne, hein. C'est ce qui est génial dans le film, c'est que c'est pas, parce que là, on spoil pas en disant ça, mais moi, j'en avais parlé et je voulais voir ça. Je suis content en fait que c'est pas juste un dinosaure hybride. C'est que il est vraiment pas. C'est là que le message du film est fort. C'est que c'est un film qui nous parle des déviances de l'homme par rapport à la nature, et l'Airex, c'est clairement ça, et c'est aussi une métaphore d'Hollywood, mais ça, on en parlera après. Mais ce qui est génial avec l'Airex, c'est que il est complètement inadapté. Il a vécu en captivité, donc il connaît pas le monde qui l'entoure, il sait pas où se placer dans la chaîne alimentaire. Il le dit, Owen, dans le film, et c'est pas bête, parce que c'est vrai que tu fais naître un lion en captivité qui a jamais été dans la nature. Il sait pas où se placer dans une meute, dans une troupe après. Ça, c'est des choses vraies. Et je trouve que c'est ce qui est génial avec l'Airex, et ce que ça renvoie, c'est que un hybride comme ça, il est pas adapté à notre monde, quoi. Il a pas sa place dans notre écosystème, en fait. Les animaux se régulent avec les prédateurs et les proies. Mais lui, le problème, c'est qu'il il tue pas pour se nourrir, il tue parce qu'il a des frénésies. Il est entre un peu comme les squales, comme les gros requins. Il entre en frénésie de pour tuer, quoi. C'est une machine à tuer. C'est même plus un dinosaure. C'est pas un prédateur. C'est un monstre, en fait. C'est une bête sanguinaire, tout simplement. Et la métaphore de ça, c'est que c'est pareil. On peut voir ça comme Hollywood qui ne nous propose plus des films. Dans une vraie démarche artistique, mais plus dans un but de profit pour faire de l'argent. C'est une métaphore qu'on peut se faire, et je trouve que c'est bien amené dans le film, ça, quand même. C'est... Et après, quand on parle de la nature, ouais, c'est intéressant parce que on pourrait très mal l'interpréter. Par contre, on pourrait aussi se dire que tous les genres qui sont pas forcément humains sont mauvais, ou même tous ceux qui sont pas hétéros, bah, tout ça, c'est mauvais, quoi, parce que c'est pas adapté à la nature. Non, en fait, non. Sauf que ce qui est dit, c'est plutôt l'homme essaye de contrôler la nature, qu'il n'arrivera jamais à contrôler, et donc ce qui a été créé par la main de l'homme ne rentre pas dans la nature. Par exemple, un ordinateur, ça va pas survivre dans la nature. Je prends un exemple tout bête, mais c'est ça. Oui, c'est ça. C'est... Voilà, donc, Indominus Rex, en fait, il pourrait. Est-ce qu'on, un être hybride pourrait avoir, peut avoir sa place dans la nature. Enfin, on en a des exemples dans notre société civilisée. Hein. Enfin, même chez les humains, hein, on a plein d'exemples qu'on pourrait donner. Mm. Mais le problème de l'ARX, c'est ça, quoi. C'est que lui, il a été créé. En fait, il pose problème parce qu'il fout tout en l'air. En fait, il chamboule complètement l'équilibre s'il n'était pas maîtrisé. Mm. C'est, en fait, c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la création de ce dinosaure-là. D'accord. Donc, juste avant de passer à la zone spoiler, je vais juste dire rapidement mon avis, même si on a déjà un peu... Enfin, je sais pas, Morgane, tu voulais dire autre chose, non ? Ah oui, Morgane, oui, c'est vrai. Non, enfin... du coup, je suis un peu perdu avec tout ça. Désolé, hein. Non, je suis pas... C'est... Après, honnêtement, le film, je l'attaque... Enfin, je l'attaque pas du tout en soi, c'est juste sa limite en fait. En fait, ses qualités, c'est un peu sa limite aussi. C'est que il se repose trop sur le film de Spielberg, il refait un peu, c'est un peu trop, c'est trop un décalque. Et j'aurais aimé un truc un peu plus qu'il ose un petit peu, enfin, sans s'en débarrasser totalement, mais qui quand même arrive à recréer un peu un truc. Alors je vais peut-être faire un parallèle qui n'a pas lieu d'être. Mais c'est vrai que quand on voit Mad Max qui, peu que j'en ai vu, n'a pas l'air de reprendre du tout, il recrée carrément son mythe, il recrée un truc. Bah, et pourtant il reste cohérent vu que les fans des films originaux adorent... Parce que pourtant il prend place dans le même univers aussi, oui. Lui. Hein. Ouais, c'est pas vraiment la même méthode, la même démarche en fait. Parce que là c'est le créateur original qui retourne à son œuvre. Et du coup, enfin voilà, c'est pas la même chose. C'est un peu une seconde vision, quoi. Ouais, c'est pas une conception de suite, en fait. Il a dit, il veut pas entendre parler de reboot, de remake, de spin-off, etc. C'est un film. Il a dit, c'est un film, voilà, c'est tout. Mad Max. Ouais, voilà. Vous le prenez comme un film, vous ne prenez pas comme par rapport aux autres, mais enfin voilà. Donc c'est pour ça que ça a aussi bien marché avec les fans de la trilogie originale. Voilà. Après sur la démarche de suite de Jurassic World, je trouve que c'est une bonne suite, mais c'est un remake. Enfin, je le vois comme une suite, comme un remake, comme le remake. Enfin, c'est un peu confus dans ma tête. Mais j'ai un remake déguisé. Voilà, c'est ça, un remake déguisé. Donc après, je trouve qu'il le fait très bien. Maintenant, j'ai un peu peur des suites parce que ils rigolent. Hein, là, c'est bon, ils sont. Non, mais je pense. Ça y est, le milliard est dépassé. Ouais. Je pense qu'on a tous peur des suites. Hein. Mais là, ça peut vraiment partir en couille. Hein. Ah, mais on va avoir T-Rex versus Gandalf, enfin des plein de trucs, des trucs à la... Les productions à la Asylum, etc. Ah ouais, mais ça peut... Sharknado versus... on aura vraiment plein de trucs. Et le final déjà part un peu en Asylum, hein, je trouve. Enfin... Je dis rapidement mon avis et on passe en zone spoiler, promis. Ouais. Donc... Je partais vraiment avec un pas très bon a priori, surtout au vu des retours. Et comme je le disais déjà dans le podcast Jurassic Park, mes attentes, c'était vraiment pas ce que je voyais dans la bande-annonce. Ça s'est plutôt bien passé, franchement, j'ai passé un très très bon moment devant le film. J'étais content pour les effets spéciaux, j'étais content pour que ce soit pas trop de l'actionneur hollywoodien à 100%, que ce soit aussi un peu un film d'aventure, même si ça perd un peu toute cette magie de Jurassic Park. Je pense qu'on est quand même plus dans l'aventure que dans l'actionneur. Hein. Oui, bien sûr. Mais l'actionneur prend quand même le pas à un certain moment. Et du coup, bon, voilà, c'est pas. Je suis quand même content de ce qu'ils ont pu faire, de ce qu'ils ont pu faire avec le film. Il y a beaucoup qui ont vu, comme on l'a déjà dit, le problème du fan service pour certains. Et moi, je comprends pas en fait pourquoi tout le monde est mécontent face à ça, parce que comme on l'a dit, Jurassic World, c'est sur l'île de Jurassic Park, donc c'est normal qu'il y ait des choses qui aient appartenu au premier parc, c'est normal qu'il y ait des références au premier parc puisque c'est sur la même île, puisque c'est dans le même univers. Mais c'est pas ça, c'est pas ce fun service là qui gêne les gens, c'est le fait, comme disait Morgan, par exemple, tu vois l'attaque de la gyrosphère par l'Airex sur les deux enfants, elle rappelle beaucoup l'attaque du Land Cruiser, par exemple, oui, dans le premier. Voilà. Oui, voilà. C'est plus des scènes un peu emblématiques comme ça, en d'accord. fait. D'accord. Ouais, c'est plutôt le décalque. Honnêtement, ça reste. Mais voilà, moi reste franchement. Captivant. Mais il y a moins. Pour être tout à fait honnête, j'étais tellement embarqué dans le film que je les ai même pas remarqués. Et c'est après, quand j'ai regardé un peu sur internet, que j'ai vu tout le décalque. Et c'est vrai que certaines scènes, ça fait vraiment penser à des scènes emblématiques de Jurassic Park. Mais quand fait un peu des scènes emblématiques, mais réinventées, voilà, en fait. C'est ça. Revues, en fait. Et avec du coup, une autre vision, en fait. Ouais, voilà, c'est tout. Sinon, bon, placement de produit. Par contre, moi, j'étais plus le placement de produit, je l'ai trouvé un peu plus gênant. Par contre, moi, je fais pas gaffe à ces trucs-là. Il y a que dans Transformers moi, ça me dérange vraiment parce que le film a déjà un budget de 150 millions de dollars et ils ont besoin de faire de la pub pour Mercedes, Coca-Cola. Mais voilà, parce que là, à part Mercedes et Samsung, en fait, j'ai pas vu. Mercedes, Samsung, Coca-Cola. Enfin voilà, il y a encore plein d'autres trucs, mais. Après ça, c'est que j'ai pas fait attention, mais je pense que il y en a beaucoup. Il y en a pas mal, et moi je comprends pas cet essor là à Hollywood où ils ont déjà des budgets faramineux et ils ont besoin encore de faire de la pub. Et même l'A-Rex, l'A-Rex qui est un animal, ils veulent le sponsoriser. Ouais, voilà. Donc c'est quand même fou, quoi. Ouais. Ils poussent le vice. Ils se foutent de leur propre gueule, peut-être qu'ils s'en rendent pas compte, peut-être qu'ils s'en rendent compte, je sais pas, mais. Enfin voilà. Alors il y a des gens qui trouvent pas ça honnête non plus de la part du réalisateur que le film s'autocritique. Ah mais non, mais alors ça là, c'est. Enfin, alors moi je comprends pas parce que pourquoi un film ne pourrait pas être une métaphore d'autre chose ? C'est pas le premier film à s'autocritiquer. Donc. Jupiter Ascending, un très bon exemple. Pareil. Enfin moi après bon c'est vraiment le truc c'est que Jupiter Ascending c'est vraiment l'interprétation qu'on pouvait s'en faire parce que c'était pas forcément ce qui était dévoilé dans le film alors que là Jurassic World il nous le fout dans c'est pas une question d'interprétation, c'est que c'est clairement ça. C'est il s'autocritique, ça c'est sûr. Il critique quelque chose et il fait. En fait, ce que les gens reprochent, c'est que le film fait ce qu'il critique. Ouais. Mais justement, quelle est la meilleure façon de critiquer quelque chose que de le reproduire soi-même pour montrer justement. Moi je trouve pas ça malhonnête, je trouve ça couillu plutôt. Ouais. Je trouve ça c'est pas faut oui faut l'oser quoi, c'est un pari risqué et, Donc sinon Omar Sy, moi j'ai eu la chance de le voir en VO, donc j'ai pu entendre l'accent d'Omar Sy qui est vraiment donc c'est vraiment agréable d'entendre un petit accent français, ça fait assez exotique, même si on est habitué à entendre de l'accent français. Mais je l'ai pas vu en VO par contre. Ouais, ben, je te le conseille parce que en plus ils ont laissé quelques petites phrases en français qui sont vraiment sympas. Ouais. C'est des petits clins d'œil. Il parle au Raptor en français apparemment. Ouais, c'est des petits clins d'œil au public français qui sont vraiment très très sympas et ça rajoute un petit plus quand tu vas le voir en VO, je pense. Ensuite, bon. Ouais, je pense que c'est aussi dans la caractérisation de son personnage, c'est que. Mm-hmm. Oui, quand il en a vraiment marre ou des trucs comme Voilà, il en peut plus, il fait pas l'effort de parler anglais, il fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. On va peut-être parler rapidement de certaines. Bon, ça va peut-être énerver un petit peu tout le monde, mais il y a certaines personnes qui attaquent le film pour son machisme et son manque de féminisme. Moi, je trouve pas, personnellement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense que Bryce Dallas Howard mène le film vraiment. On va en parler peut-être plus dans la zone spoiler. Par contre, pour moi, le seul petit problème au niveau de tout ça, c'est le manque de perso féminin à l'écran, parce qu'il y en a trois. Alors là, c'est pareil, je comprends pas, parce que dans le premier, t'en as deux. T'en as deux. Dans le troisième, t'en as qu'une. Et là, t'en as trois. Donc, c'est le film qui présente le plus de personnages féminins. Je sais, mais. C'est. Enfin voilà, à notre époque, ça paraît un peu bizarre, je trouve, parce que tu vois pas mal de films genre Mad Max où il y a plus de persos féminins que, y en a quand même pas, mais il y a beaucoup de persos féminins et beaucoup de persos masculins. Là, il y a vraiment beaucoup de mecs testostéronés, alors qu'il y a trois persos féminins dont deux mineurs quand même. Donc voilà, mais c'est deux qui sont plus mineurs. Des persos féminins mineurs ? Non, pas mineurs en âge. Ah, mineurs oui, dans l'histoire. Oui, voilà. Ah oui, des personnages secondaires féminins. Oui, personnages secondaires féminins, voilà. Dont une qui a vraiment pas de chance. Voilà. Ah, oui. Et moi, cette scène, elle m'a mis mal à l'aise. Hein. Pareil. Ouais. Je m'attendais pas. Enfin, on va en parler dans les spoilers. Ouais. Juste rapidement, avant de passer à la zone spoiler, la musique, je la trouve très très belle, mais je la trouve mal placée à certains moments. Ouais, ça, par contre, je suis d'accord. Le thème de Jurassic Park, on le balance pas sur une conversation banale sur les finances du parc dans un. Puis on le balance pas quand les enfants entrent dans l'hôtel. Mais oui, enfin ça n'a pas trop de sens. Et enfin voilà, moi j'ai juste eu un problème avec ce placement de la musique. Elle est très très belle, mais je pense qu'il aurait peut-être mieux fait de mieux placer sa musique par rapport à ses images. Je sais pas qui c'est qui a fait le montage. Le mixage son, j'ai Wikipédia à côté, mais là je. Non mais le montage du film. Le montage, c'est Kevin Stitt, donc il n'a aucune page Wikipédia, donc je ne pourrais pas ouais, te dire qu'est-ce qu'il a fait. Après, je sais pas si c'était une exigence de Colin Trevorrow, mais c'est assez bizarre, ouais ça. Ouais, donc voilà, là ça se ressent à quelques moments, et donc mon dernier problème avec le film, parce que j'ai vraiment apprécié, mais il fallait que je cite quand même les problèmes parce qu'on a l'impression qu'on lance. Après peut-être que c'est un message aussi sur le matérialisme. Le fait qu'on montre ça dans une conversation où on parle d'argent ou où qu'on te montre ça quand les gamins arrivent dans l'hôtel, enfin quand on entend ces musiques là dans ces moments là, c'est l'interprétation, mais peut-être que c'est ça finalement, que c'est la confrontation entre ce qui est emblématique, cette musique là qui est connue par tout le monde, même par des gens qui n'ont pas forcément vu les films, hein. Je pense que la musique ils la connaissent parce qu'ils l'ont certainement entendue. Et en fait, on nous l'a met ici parce que aujourd'hui les gens ils sont plus satisfaits dans un hôtel 5 étoiles que dans un parc où t'as des dinos justement. C'est comme le coup des smartphones devant l'enclos du T-Rex par exemple. Oui, ça c'est très. C'est pareil, enfin c'est plein de, il y a plein de petits trucs comme ça. Ouais. Alors peut-être que c'est pas anodin non plus, je sais pas. C'est peut-être un choix artistique. Non, là c'est pas anodin. Enfin, ça c'est de la spéculation, la société de consommation, etc. Donc le dernier petit souci que j'ai eu, c'est un petit essoufflement de rythme en milieu de film, dont on va parler dans la zone spoiler. Donc j'annonce. Oui. Voilà la zone spoiler. Donc si vous avez pas vu le film avancer, de toute façon je mettrai un petit je dirai quand il faut avancer et puis je mettrai un petit jingle pour vous dire où faut avancer, voilà. Courez. Vous êtes donc dans la zone spoiler maintenant, donc je vous propose, si vous n'avez toujours pas vu le film, d'avancer à 2h25, donc là je vous laisse un tout petit peu de temps, et si vous avez vu le film, vous pouvez continuer ce podcast juste après ce petit message. Donc je pense que tout le monde a avancé maintenant, et je vous retrouve juste après, et je vous souhaite une bonne zone spoiler sur Jurassic World. Donc courez, vous êtes en danger. On va peut-être laisser parler Quentin rapidement sur son avis sur la fin, enfin la fin entre guillemets. On le fait point par point alors peut-être. Ouais, moi j'aimerais d'abord en fait entendre l'avis de Quentin sur la fin du film. Mais on va parler de la fin du coup. Ouais, mais vraiment la bataille entre le combat entre les dinosaures. Donc Quentin. C'est vrai que j'ai trouvé ça. Moi c'est vrai que j'ai trouvé ça nul. Enfin j'ai pas trouvé l'idée mauvaise. Si j'ai trouvé ça un peu, ça n'est pas dans l'esprit de Jurassic Park. Enfin c'est Jurassic World, c'est pas la même chose. C'est une autre dimension. Enfin c'est. Mais j'ai trouvé ça un peu trop. Enfin, j'ai trouvé ça un peu. J'étais vraiment de ton avis hein, quand je l'ai vu le film, même en ressortant et puis en y repensant, et puis en discutant aussi avec Eddie, il avait trouvé un truc assez intéressant, c'est que. C'est ce que j'avais dit. C'était le truc d'Hollywood, par rapport à Hollywood, toujours plus d'explosions de machins, etc. Ah, oui. Et, moi, je l'aperçois comme voilà. Ça. Quand tu le vois sous cet angle-là, la scène prend tout son sens, je trouve, et est beaucoup mieux amenée dans le film. C'est l'apothéose, en fait, un peu, de tout ça. Ah ouais, non, tout à fait. C'est vraiment. Surtout qu'en plus, à un moment, comment il s'appelle, le petit Gray, Ty Simpkins, et il le dit clairement, plus dedans, il nous faut plus dedans. C'est tu vois, et il le dit plus, tu vois, il même dans les mots quoi. Ouais. Donc je pense que oui, ça surprend évidemment, mais finalement c'est dans la logique du film, je pense. C'est un peu ce que dit le scientifique à Irfan Khan quoi, c'est lui qui lui demande, c'est un peu le producteur qui fait pas trop gaffe à son projet mais qui demande beaucoup de d'explosions, qui fait beaucoup de... C'est exactement ça. Ouais. Et scientifique, c'est réalisateur un peu de tout ça en fait. Ty Simpkins, c'est un peu le producteur et. Non, je parlais de. Irfan Khan. Irfan Khan, pardon. Ouais. Il a des sous, il injecte et puis après les scientifiques sont censés pondre ce qui va avec. Mais c'est pour ça que moi je trouve que le parallèle avec Hollywood est bien amené parce que comment veux-tu critiquer c'était facile de critiquer Hollywood avec ce film-là parce que tout nous était proposé. On est dans un parc d'attractions. Mmh. Et ben, Hollywood aujourd'hui, c'est de l'entertainment. Hein, ouais. Avant d'être. De l'art, malheureusement. C'est de l'argent. Voilà. C'est un business. C'est. Voilà. C'est comme tout, enfin, toutes les formes d'art qui commencent à se développer. Maintenant, le cinéma, ça fait plus de 100 ans, mais plus un art va se développer, plus ça va devenir quelque chose, une industrie, en fait. Voilà. C'est ça. C'est comme le jeu vidéo qui, il y a quelques années, était vraiment quelques... On prenait ça comme quelque chose de second plan, et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des jeux vidéo qui sont vraiment excellents et qui proposent des choses... Et qui coûtent plus cher que des films. C'est ça. Voilà, c'est assez fou, quand même. Hein. Mm-hmm. Et du coup, voilà, bah ouais, c'est, quand on prend sous cet angle, la dernière scène me paraît très, très bien amenée et très bien faite, en fait. Bon, après, le combat en lui-même... Elle pose des problèmes physiques, hein, par contre. Hein, oui, c'est pas très réaliste. Et moi, j'ai eu peur, j'ai vraiment cru que le T-Rex allait mourir. Non, mais ils n'allaient pas refaire le coup du Jurassic Park 3, ils ont vu tellement gueuler. Ils ne pouvaient pas, surtout, bon, alors là, par contre, bon... On peut être content comme on peut être pas content, mais le T-Rex débarque en détruisant le squelette du Spinosaurus. Ouais. En plus. Ouais, voilà. Il défonce donc le c'est, truc. C'est juste bien. En plus, moi, j'étais vraiment... parce que je m'y attendais pas, en fait, au T-Rex. Non, en fait, je m'y attendais, mais je me disais à un moment, mais quand est-ce qu'il va apparaître? Et alors, quand elle a commencé à Bryce Dallas Howard, donc Claire Deering, son personnage, a emmené la petite torche. Je me suis dit, ah, c'est bon, c'est pareil, c'est Malcolm de Jurassic Park 1 qui fait sa vision est basée sur le mouvement, etc. Mm. Et donc voilà, j'étais vraiment super content de voir le T-Rex, même si c'était qu'à la fin. Mais voilà, il lui a foutu une sacrée raclée. J'ai eu les larmes aux yeux. Oh, en plus, il est trop bien fait. Hein. Enfin, j'étais content, quoi. Enfin, ouais. Rexy, après 20 ans d'attente, quoi. Donc, la scène finale aussi, je pense. Mm-hmm. Oui, la scène vraiment. Le dernier plan, ouais, voilà. Ouais, avec Owen et Claire qui partent dans le. Le T-Rex qui hurle, ouais. Qui rugit face au monde, quoi. Et en fait, c'est cette scène-là, qui pour moi symbolise vraiment le fait que, c'est un film qui est vraiment ancré dans son temps et qui est tourné vers l'avenir, ouais. Ça justifie le titre aussi, Jurassic World, simplement. Oui, parce qu'il rugit vers l'horizon. Ouais, voilà, voilà. Ouais, parce que sinon il l'aurait appelé Jurassic Island et puis ça aurait peut-être pas pareil. Ouais. Jurassic et le titre 4, tout simplement. Le titre Jurassic World est très justifié avec la présence d'Omar Sy dans le casting. C'est les Français. Et aussi, ouais. Il y a un côté un peu. Je sais pas si le fait de l'appeler Jurassic World, c'est pour coller au fait que t'es des parcs qui s'appellent. Enfin, t'as le Sea World à San Diego, c'est un parc aquatique, le Sea World, avec des orques et des dauphins. Je sais pas si c'est pour coller à ça ou si c'est justement pour bien signifier que c'est mondial, quoi. Les gens sont au courant qu'il y a des dinosaures sur une île. De toute façon, c'est dans le monde. C'est des personnages du monde entier qui viennent gérer et admirer le parc. C'est ça, ouais. Bah oui, enfin, ils disent bien. Ils disent notamment sur le. Je ne sais pas si vous l'avez vu, le site fictif du parc. Non, je ne l'ai pas vu. Qui était l'outil de promotion. C'est conçu comme un vrai site de parc réel. Hein. On peut acheter ses tickets, tout ça. Ouais. Et en fait, ils précisent bien que dans les équipes du parc, pratiquement comme dans un Disneyland. Toutes les nationalités sont représentées pratiquement. Mmh, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire par rapport au spoiler ? Alors moi, là, ce qui me faisait très très peur, c'est dans la bande-annonce, dans la deuxième bande-annonce, celle qui donnait l'impression que le film avait été produit par Michael Bay. Ouais. Je sais pas si tu l'as vu du coup, Morgan, cette bande-annonce. Tu l'avais évité. Non, je les ai pas revus, les bandes-annonces. Tu la verras depuis et tu mettras trailer numéro 2 et tu verras. Là, cette bande-annonce faisait peur parce qu'on avait vraiment l'impression que c'était du. Ouais. Faudrait que tu la vois pour comparer justement, en plus après avoir vu le film. Et du coup, dans cette bande-annonce, à un moment, il y a Omar Sy qui dit il y a un problème, ils communiquent entre eux. Et moi, je pensais qu'ils parlaient des raptors. Moi, je pensais qu'ils parlaient des raptors qui communiquaient entre eux parce qu'on savait qu'ils pouvaient le faire. Mm-hmm. Ouais. On l'avait vu dans les autres films. Et il y en a beaucoup qui ont commencé à dire que ben non, en fait, les Raptors parlaient avec l'Indominus Rex. Et moi, j'avais pas envie de croire à ça parce que je trouvais que ce serait con. Et j'ai eu peur, en fait. Ouais. J'ai eu peur de ça. Et quand j'ai vu que ça se passait dans le film, j'ai dit putain, mais c'est pas possible. Mais pourquoi ils font ça? C'est débile. Et en fait, on nous apprend qu'il y a de l'ADN de Raptor dans l'Indominus Rex. C'est comme quand c'est comme quand il soufflait dans son truc. Oui, enfin, ça a pas de sens. Ça a pas de sens de trouver une chambre de résonance aussi bien conservée. Voilà. Mais non, en fait, c'est ce qui me faisait peur. Et en fait, dans le film, bon, c'est amené avec des gros sabots quand même. Ouais, hein. Ouais. Mais ça justifie un peu le truc, ce qui fait que ça passe plutôt moyen. Mais après, toute la relation entre Owen et les Raptors, ça va, c'est plutôt bien géré. Ouais, c'est j'y croyais pas trop. Mais non, ça va, ça passe. C'est pas ridicule, quoi. Sinon, ouais, l'essoufflement au milieu de film, en fait, ce que je disais avant, il apparaît quand il découvre les ruines de l'ancien parc. On sent vraiment une baisse. D'ailleurs, dans le cette scène-là, la scène où ils arrivent devant les portes de l'ancien centre des visiteurs, je trouvais ça ridicule parce que, quand on voit le premier, puis qu'on voit ce qui est devenu le centre des visiteurs, on a l'impression qu'il a été abandonné depuis 400 ans. Ouais, que... Et puis en plus, qu'il a raptissé de je sais pas combien. Qu'il est fait en studio, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, en fait, c'est là que j'ai eu peur parce qu'à un moment, dans la symbolique, en fait, il y a le Nick Robinson, le plus grand des deux enfants. Mm-hmm. Il découpe un morceau de la toile qui tombe devant le T-Rex à la fin du premier film. Mm-hmm. La banderole qui dit quand les dinosaures régnaient sur la Terre. Mm-hmm. On retrouve cette banderole là à ce moment-là. Et du coup, c'est une scène iconique du premier film, cette scène où on voit le T-Rex qui rugit dans le centre des visiteurs avec la banderole qui tombe. Mm-hmm. Et en fait, lui, il prend ça, il la coupe pour en faire une torche. Et là, tu te dis, putain, en gros, c'est de la merde, quoi. Enfin, tu te dis, il est en train de chier à la gueule du premier. Et j'avais peur que, justement, en plus de ça, le T-Rex meure à la fin. Et là, je pense que là, ça aura vraiment... Là, pour le coup, il aura vraiment dit... Le film aura vraiment pu avoir l'impression de dire que, bah non, écoutez, on fait mieux que le premier, quoi. Mmh, alors que non. Moi, il y a juste aussi. Moi, j'ai pris un grand plaisir à retrouver tous les petits gadgets, surtout les petites lunettes, là, enfin les jumelles. Les visions de nuit, voilà. Qui faisaient très. C'était l'enfant, donc Gray, qui regardait ça avec des yeux un peu étonnés. C'était assez marrant. La scène où les gamins réparent la Jeep. Bon. Voilà, c'est vraiment toute cette période-là. Moi, ça m'a gêné parce que ils sont poursuivis par un truc énorme et ils ont le temps de réparer une Jeep. Il y a 10 minutes comme ça qui sont vraiment un peu galères à supporter, mais après ça repart encore mieux. Donc Et donc ouais, par contre, pour en revenir à la question sur le machisme, moi, enfin, je suis pas d'accord parce que. Chris Pratt finalement il reste à sa place il est mis en avant mais moins que Bryce Dallas Howard je trouve au final qui devient vraiment badass vers la fin qui déchire ses vêtements qui court ça, dans la boue en talons etc enfin voilà c'est pas du tout c'est elle qui prend les décisions c'est elle qui mène le truc quoi donc voilà après c'est un film qui reste quand même assez sans surprise je trouve enfin moi j'ai pas eu énormément de surprises. Non c'est sûr après tu t'attendais j'étais déjà content de pas voir que c'était 100% effets spéciaux numériques 100% actionneurs c'était déjà un grand soulagement La scène où l'apatosaure est en train d'agoniser là quand il se retrouve quand il se rend compte que l'A-Rex a tué tout le troupeau de dinosaures au long cou pour ceux qui auraient du mal avec les noms je la trouve, c'est peut-être la scène où il y a le plus d'émotions. Oui, c'est vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Moi en plus, c'est mes dinosaures préférés, alors. Je sais pas, les gars, vous en pensez quoi, vous Moi, c'est pareil, mais même reproche que je faisais, c'est j'ai vu à peu près la même scène dans le premier, en fait. Non, c'est. La scène où justement. Enfin, je trouve qu'il y a. C'est... En soi, la scène n'est pas la même, mais il y a quand même des grosses similitudes et. Par rapport à quelle scène du premier? Là où il se court, je sais plus maintenant quel titre. Oui, avec le Triceratops. Ouais, c'est ça. Voilà, je crois que c'est ça. Ouais. C'est ça. Je trouve que il y a des idées qui se ressemblent, mais du coup. N'oubliez pas de vous laver les mains. Ouais, n'oubliez pas de vous laver les mains avant de manger. moi, cette scène-là, elle m'a mis. Et alors, on voulait en parler. La scène avec Cathy McGrath. qui se fait choper par un ptérosaure et qui finit dans la gueule du mosasaur. Ouais, et en plus, c'est gore. Mais je m'attendais pas à avoir une violence frontale comme ça. Ah, c'est génial, mais moi, ça m'a mis mal à l'aise. Enfin, je m'attendais pas à ça. Mais... elle est assez, assez horrible, la scène. Enfin, la fin de la fille, elle est... Mais oui, justement, et ça, je trouve que c'est vraiment rendre hommage à Spielberg qui savait faire des trucs... C'est surtout que les deux gosses ont l'air de s'en foutre, en fait. c'est que ils sont en pleine panique aussi, donc après... Tu me disais que la scène, c'était un peu un hommage aux oiseaux d'Hitchcock. Ouais. Et ben ça, c'est, pour moi, c'est mon moment préféré du film. Là, à ce moment-là, il y a un hommage, mais il en fait quelque chose autre. Et c'est effrayant. C'est un peu burlesque aussi, tous ces corps qui se font embarquer et tout. Et je trouve c'est vraiment la plus belle scène du film pour moi. D'accord. La plus réussite et la plus. En termes de mise en scène, c'est pas mal réussi, parce que. Tu vois, genre la scène où les enfants sont dans la gyrosphère au milieu du troupeau, bon, on est vraiment à ras le sol. Et c'est vrai que l'effet de grandeur des dinosaures rend bien. Tout le plan final avec tout le combat final avec le T-Rex, le Raptor et l'Indominus Rex, c'est pareil, enfin là c'est un gros plan séquence qui rend plutôt bien, enfin tu vois vraiment c'est plein de détails, t'as le Raptor qui saute sur l'ARS qui rebondit sur le T-Rex et puis enfin c'est plein de de trucs voilà. D'accord. Enfin moi je suis assez admiratif quand même de la mise en scène. Pour le coup, ça a rien à voir avec Safety Not Guaranteed. Mais même si le film est quand même assez impersonnel, parce que c'est vrai qu'on peut pas vraiment dire qu'il y a une patte Trevorrow. Non, il y a pas une patte, mais il a fait quand même quelque chose avec la mise en scène. Il a su lui donner il y a des fulgurances épiques un peu quand même qui passent bien, je trouve. Donc voilà. Vous sortez maintenant de la zone spoiler, donc voilà, si vous n'avez pas vu le film, normalement vous entendez ce message juste après avoir entendu l'autre message, donc voilà, je vous souhaite une bonne fin d'écoute. Bon bah, il faut bien y arriver un jour, il faut arrêter de parler de Jurassic World. Donc si vous voulez plus de détails, allez lire la critique d'Eddie, allez lire aussi ma critique si vous voulez, c'est pas très intéressant, voilà. De toute façon, moi je pense que je pourrais pas en dire plus que ce que j'ai écrit. Voilà. Et puis si vous avez un dernier mot, Morgane ou Quentin ? Par rapport au film ? D'accord. Non, j'ai tout dit. Ok, d'accord. Bon, voilà, on a tout dit sur Jurassic World. On passe tout de suite à la recommandation pas très recommandable. I miss you more than Michael Bay missed the mark when he made Pearl Harbor. I miss you more than that movie missed the point. And that's an awful lot, girl. And now you've gone away. And all I'm trying to say is Pearl Harbor sucked. And I miss you. On est à la dernière rubrique de ce podcast. Comme il n'y a que Morgan qui a fait son boulot, en fait. Non, mais un sale boulot. Désolé d'avoir un emploi du temps de ministre. Hein. Voilà. En plus, moi, je me suis tapé toutes vos merdes là. Et... Surtout Axel qui m'a un peu reproché hier. Ouais, on a le temps de se refaire tous les Harry Potter, donc on a le temps de revoir Gamer. Mais en même temps. En même temps, il avait pas tort, Morgan. Désolé, je préfère consacrer du temps à me refaire les Harry Potter. Et hier, en plus, je devais regarder The Tree of Life. Et tu vois, vu que je l'ai acheté en Blu-ray, je l'ai pas encore revu. Donc voilà, c'est la faute à Axel. Voilà. Ah, mais Axel, attends. Quand t'abuses avec tes films de merde. Hein. Voilà. Parce que le dernier des Templiers, c'était pas abusé non plus. Oui, non, mais à l'époque, il devait pas revoir The Tree of Life. Alors que là, ça fait 2-3 jours que je dois le revoir, The Tree of Life. Mais non. Voilà, bloqué. Voilà, il était bloqué. Donc on rappelle quand même le synopsis avant que Morgan nous dévoile tout son amour pour le film. Donc le synopsis était assez simple mais plutôt efficace, j'aimerais dire. Tony, petit délinquant, sort de prison avec l'intention de se ranger. Il a dans l'idée de monter une société de jeux vidéo avec un intello, entre guillemets, qui excelle en informatique. Voilà. Donc c'est réalisé par Patrick Lévy, qui a pris son pseudo de Zach Fishman parce que, comme je l'avais dit, les noms anglais ça fait toujours plus classe, et ça c'est vrai. Et du coup, Morgan, tu l'as découvert hier, et j'aimerais bien avoir ton avis dessus. Bah écoute, on a des auteurs en France, ça se voit. Hein. On a des super films, très. Non, je peux pas, désolé. Même ironiquement, j'y arrive pas. Non, je comprends. je me pose une question, je me suis posé une question en voyant ce film-là. Tu m'as dit que tu avais une question. Il y a vraiment. Voilà. Ouais, c'est une question existentielle. Je voudrais savoir de quelle façon, comment est-ce possible qu'un producteur, en lisant le scénario, il s'est dit ça, vas-y, je le produis, ça va être bien. Je veux savoir. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ce mec-là pour qu'il se dise je vais produire ce film? Il n'y a pas de nom de producteur sur Wikipédia, mais je peux te dire que les sociétés de production, il y a M6, il y a Pathé et il y a Studio Canal. Mais justement, Pathé et Studio Canal, mais pourquoi? Enfin, Canal Plus, la chaîne du cinéma. Hein. Quand même. Donc, ouais, voilà. Mais bon, c'est ça. Donc je me dis comment. Enfin, je voudrais avoir le nom de ce type qui s'est dit. Bah franchement, ouais, je le sens bien, ça va être bien. Avec Ariel Dombal, Saïd Tagmaoui, Bruno Salomon aussi, il me semble. Ouais. Mais il y a vraiment des gens, tu te demandes à quoi ils tournent, hein, sérieux. Hein. C'est de la bonne, hein, je pense, hein, parce que pour produire certains films... Mais si encore c'était mauvais, mais dans... Tu sais, des fois, il y a des films, ils sont mauvais, mais tu les regardes avec un œil rigolo. Là, c'est même pas que c'est rigolo, c'est que c'est naze, c'est que c'est chiant. C'est que je ne comprends pas du tout l'intérêt de ce film. Je sais même pas ce qu'il a voulu me raconter. Oui, parce qu'à la limite, c'est vrai que... Bon, j'ai pas vu le film, j'ai pas vu Gamer, mais c'est vrai que à la limite, Spawn, bon, c'est vraiment de la merde. Je comprends pas qu'on ait pu produire ça avec, avec le résultat qu'on a donné au... Le résultat prévu au producteur, quoi, enfin, ce qu'on aura vendu du film. Je comprends pas comment ils ont fait pour le produire, mais finalement, la démarche, on peut la comprendre, parce que c'est une adaptation, d'un super-héros, un comics, ouais. Donc, ça, à la limite, on peut le comprendre. C'est pourri, mais c'est la démarche, on peut la comprendre. C'est vrai que Gamer, du coup, apparemment. Mais c'est surtout qu'en plus, en France, je trouve que les Français sont les plus réac en ce qui concerne, dans leur vision des jeux vidéo. Mm-hmm. Et je trouve que. Ça, c'est il rend honneur. Oui, parce qu'en France, on pense encore que les jeux vidéo rendent violents. Ouais. Bah oui, forcément. Oui. T'as joué 2 minutes à GTA, bah c'est bon. Forcément, c'est furieux ça. Je vous promets que je l'ai lu sur Twitter. Le fou furieux là qui a assassiné des gens dans une église à Charleston. Mm-hmm. C'est ça, Charleston. Kingsman. Non. Mon Dieu. Non, c'est quelqu'un apparemment. Il aurait un passé. Il est pas du tout raciste. Il a juste joué aux jeux vidéo. Ouais, apparemment. Voilà. Et c'est en France qu'on lit ça. Enfin, au bout d'un moment. Et je trouve ce film-là. Par contre, il y a un truc qui aurait pu. Enfin, on va mettre ça de côté. Qui aurait pu m'intéresser dans le film. C'est que le film, il est monté sur plusieurs niveaux. Il y a level 1, level 2, puis le fine. Je dis, ça, c'est intéressant. Je suis sûr que ça se finit avec un gros truc genre game over. Oui! C'est ça en plus. Ouais, tu vois, j'ai même pas besoin de voir le film. La réplique de fin. Oh, le dernier plan, c'est du grand art. Et surtout que les acteurs je crois qu'ils se demandent tous, mais qu'est-ce que je fous là-dedans? Ils y croient pas. Ça se voit qu'ils y croient pas. Je sais même pas quoi dire. Les moments jeux vidéo, faut quand même en parler. Ah, mais c'est du grand. Enfin, on critiquait les effets, la 3D de Spawn. Oui, là. Enfin, c'était par ILM, donc c'était peut-être encore plus risible. Mais là, c'est un truc. Mais c'est ça qui fait mal quand tu vois Spawn. Tu sais que c'est par ILM surtout. Mais alors là, c'est des inconnus. Enfin, il n'y a même pas de titre parce que je pense qu'ils ne veulent pas être reconnus pour avoir fait ce boulot. C'est un mec, j'ai acheté After Effects et je suis trop content. Non, mais c'est vrai. Enfin, franchement, il faut juste voir les scènes. Donc, Morgan. Ils ont dû voir le résultat à la fin. Ils ont dit au réalisateur, sérieux? Vas-y, je fais ça gratos, me mets pas au générique, sérieux. Ça te tue un CV, mais grave. Et encore, des fois, il y a le film, et oui, il y a des, il y a un côté un peu animé et tout, mais des fois, c'est carrément les acteurs, enfin, il y a une scène de combat entre Saïd Tagmaoui. Cette scène, elle est énorme. En plus, il y a Saïd Tagmaoui, c'est pas que c'est mal réalisé, mal fichu, c'est que t'as Saïd Tagmaoui qui joue un espèce de personnage de Tekken en poussant des cris, des genres de rien et tout. Tu te demandes mais pourquoi ce film? Franchement, je suis vraiment déçu, vous l'avez pas vu quoi. Parce que... Non, mais je vais le voir, hein, Axel. Ouais. C'est juste que j'ai pas eu le temps. Il était bien prévu, je l'ai et tout, mais il faut que je le voie. Je profiterai de l'été pour regarder. Ah oui, et puis, comme ça, vous pourrez donner votre avis la prochaine fois. En plus, Quentin, comme il va nous proposer un film après. Je ferai ma critique sur Movies Nerd. Ouais. Parce qu'il faut bien que je fasse des mauvaises choses sur Movies. Oui, bah c'est bien. Bah moi, sur votre caster, c'est cool parce qu'en ce moment, je mettais que des 4, des 5, des 4,5. Là, il y a un beau 0,5. Et puis sur votre caster, tu peux mettre 0. Mm. Sur Sens Critique, on peut pas. Non, c'est 0,5. 0,5 max. Ouais, mais c'est plus proche de 0 que 1 déjà. Parce que sur sens critique, c'est 1. Donc c'est limite si j'ai pas envie d'envoyer un message au mec, il faut le podcaster, autoriser le 0 parce que il y a pas un truc de bien dans ce, mais pas un truc. Je pourrais être objectif en disant oui, il y a l'idée, il y a pas d'idée. Gérard Vivès, tu l'as trouvé bon? Ah ouais. Oui, il est quand même avec son accent anglais une fois sur deux. Une fois sur deux. Oui. C'est pas possible. L'évocation de Gérard Vivès, déjà. C'est... à un moment, il parle avec un accent anglais. À un moment, il parle vraiment mais français, comme, enfin, voilà, comme un vrai français. Et on comprend pas, en fait. Alors que normalement, il est américain. Et puis, les clichés sur les geeks, etc. Ça va très loin. Ça va très loin. Et on rappelle qu'il est fait en 2001, le film. Qu'il est sorti en 2001. Ouais. Donc, il y avait des super beaux jeux vidéo qui sortaient à cette époque-là. Et même bien avant. Donc, à 2001, t'avais les premiers GTA, Vice City, je crois que c'était 2001. Et puis t'avais Final Fantasy X qui était déjà sorti. Ouais, etc. T'avais tout ça. Ouais, donc, voilà, quand tu voyais le résultat par rapport à ça. Enfin voilà, les scènes, la scène de voiture aussi est excellente. La scène de course-poursuite avec les flics en 3D, avec la voiture qui vole, ça sort de nulle part, mais franchement. Je sais pas ce que t'en as pensé, Morgane. Il y a Quentin qui se mouche parce qu'il n'en peut plus, là. Ouais, c'est surtout qu'en fait, j'ai fait un parallèle en voyant ce film-là. Je me suis dit, je reproche souvent aux films américains, aux gros blockbusters, d'adopter une esthétique, enfin, pas une esthétique, mais plutôt un montage très jeu vidéo. Ouais. Ce que je reproche à Sucker Punch, par exemple. Mais Sucker Punch à côté, mais ah, oui. Que j'ai détesté. Mais Sucker Punch, c'est magnifique, hein. C'est dingue. C'est... Je veux bien avoir 20 films comme Sucker Punch. Parce que Sucker Punch, à la limite, tu peux le voir comme un trip. Ouais. Bah oui, alors que là, c'est même pas un trip. C'est que dans la démarche, sérieux. Sucker Punch, ça reste sincère finalement. Alors ouais. Que, je pense qu'il est sincère, mais je me demande vraiment comment il a pu trouver. Enfin, c'est pas pour autant qu'il a de l'intérêt, hein. Je sais pas, j'aimerais bien être ces émotions comme dans Vice Versa et voir comment là-dedans ils ont tous réagi. Franchement, mais non, mais c'est horrible. Enfin, je comprends pas, je comprends. Ce film, pourquoi? J'ai pas d'autre mot. Pourquoi ce film? Pourquoi? Et dernière chose, juste avant de finir quand même pour ce film, parce que ça porte pas vraiment d'intérêt d'en parler en fait. Juste les références en fait, des fois ils sortent Brad Pitt, etc. Oui. Ouais, c'est bien ça aussi. Tu vois, genre dans une conversation, Brad Pitt, Tomb Raider, comme ça, au hasard. Et ils font du name dropping, par exemple. Ouais, vas-y, je joue à Wipeout, etc. Aucun ouais. Intérêt. C'est vraiment le réel qui dit, je connais les jeux vidéo et je vais te le montrer, tu vois. Mais ouais, mais bon, tu connais, mais tu sais pas. Moi, je connais les livres et je vais pas faire un film sur les livres. Voilà. Voilà. Ah, c'est horrible. C'est... Donc voilà. Je comprends pourquoi on crache sur le cinéma français hein, quand on voit ça. Donc après ce film, on va passer, Quentin va nous proposer un film pour le mois prochain. Donc il nous avait proposé il y a 4 mois de ça déjà, ça passe vite, Brick Mansions. Et donc on est tous très impatients de découvrir sa nouvelle recommandation pour. Et finalement c'est le moins pire qu'on ait eu, hein, Brick Mansions, hein, je pense. Moi je crois que le dernier des Templiers c'était le moins pire. Ah ouais, non, ouais, en fait Brick Mansions et le dernier des Templiers c'est un peu pareil. Ouais, le coup, Brick Mansions, il est voilà. Nul mais il est... Donc vas-y Quentin, je t'en prie, tu peux. Je suis pas sûr. Non, je sais pas si vous l'avez vu ou vous l'avez pas vu. Parce que vous l'avez déjà vu, ça. Bah limite c'est pas grave, on pourra en parler quand même. ouais. Alors le film que je vous en pose, c'est Dragon Ball Evolution de James Wong. Voilà. Je te déteste. Et le problème, c'est que quand on connaît rien du tout à l'univers Dragon Ball, ça a un intérêt qu'on le regarde ou pas? Aucun. En fait, il vaut mieux que tu connaisses rien parce que ouais. moi je suis un très grand fan de l'univers et j'ai jamais vu ce film justement parce que je veux pas m'imposer. et là, je vais me, enfin voilà, je vais être obligé de voir ce film. Tu l'as déjà vu donc tu pourras en parler. C'est réalisé par qui? Parce que James Wong. Et pas James Wan, hein, attention. c'est quand même quelque chose de différent. ouais, donc voilà. La moyenne sur Halluciné elle est de 1,0, voilà. Putain. Sur combien? Sur 5? Sur ouais. 5, ouais. Ouais, sur 5. Et les spectateurs c'est 0,9 sur 5. Voilà. Donc, ah ouais, quand même. Dit, apparemment. C'est mérité parce que. Moi je pense vraiment que je vais voir le pire film que j'ai vu pour recommandation pas très recommandable là. parce que j'évitais vraiment ce film. C'est un truc, tu vas te sentir insulté. Franchement, gamer, c'est rien à côté. Ça insulte les joueurs, ok, mais là, c'est une atteinte. Tu vas te sentir sale. C'est une atteinte. Ouais. Mais c'est Spawn à côté, ça va être rien. Parce que Spawn, j'aime bien. Spawn, mais, c'est Dark Knight à côté. Voilà, Spawn, j'aime bien l'univers, tout ça. Mais Dragon Ball, c'est vraiment mon enfance quasiment. 1,7 sur Sens Critique. Tu vas te sentir violé, clairement. Ce film est un viol à la création, un viol à l'univers. Je crois pas que James Wong il a juste lu, je pense, le nom des personnages dans un. Voilà, c'est ça. Sur Wikipédia et c'est rigolo. Mais c'est Son Goku et compagnie ça. Ouais. Ouais, mais c'est pas. J'y connais mais rien du tout. Hein, je. Ouais. Tu vas apprendre à détester encore plus, je crois, parce que là c'est pas possible ce film. Enfin, moi je l'ai pas vu, mais je. En plus, bon, il dure que 4 heures. Ouais, c'est celui qui a fait les Destinations Finales. En plus. D'accord. En plus. Mais il dit un film pas trop long. Oui. Ouais. C'est déjà ça. Il y a des films pas trop longs qui ont l'impression qu'ils durent 3 heures. Hein. Gamer, ouais, ouais, hein. Parce que moi c'était ça, Brick Mansions. Hein. Et puis Spawn, pareil. Hein. Voilà, donc le mois prochain on va pouvoir vous parler de Dragon Ball Evolution proposé par Quentin. On est à la fin de ce podcast qui a duré super longtemps. Je sais pas à peu près combien de temps d'enregistrement on est, mais au moins 2 heures, je pense. On doit être à peu près à 2 heures, donc voilà. Merci de nous avoir écoutés, c'est le plus important. N'hésitez pas à commenter si vous avez aimé le podcast ou si vous n'avez pas aimé, ce qui ne va pas ou ce qui va dans le podcast. Retrouvez le podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur PodCloud. Voilà, je commence à m'y habituer. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook, sur Movies Nerd Facebook, Twitter Movies_Nerd, et bien sûr, la plateforme la plus importante, c'est le site, donc moviesnerd.net. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter à TheLexal et sur Sens Critique à TheLexal. Je vais laisser la parole à Quentin pour nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet. Moi, sur Twitter, donc Geek of the Galaxy. Et sur Sens Critique et Movies Nerd. Ok, là. D'accord. Sens Critique, c'est Geek of the Galaxy aussi ? Non, content, Penel. Ok, d'accord. Eddy ? Sur Movies Nerd, sur Twitter et Starkfield, et puis après sur Sens Critique et Stark. Ok, d'accord. Et Morgane, pour finir ? Moi sur Twitter, @CinéMorgan. Abonnez-vous parce que j'approche des 1000 abonnés et je serai content d'avoir. Allez-y. Pour les 1000 abonnés, il vous fait une danse de la joie. Exactement. Bah oui, attends. Je vais la poster. Sur de la musique bollywoodienne, ça sera bon. Ouais. Et sur votre caster, @CinéManiac. Et sur ciné-maniac.overblog.com qui, je l'annonce aujourd'hui, ferme ses portes. Je n'ai plus tout le temps d'écrire. Ouais, je me délocalise. Ouais, je fais comme les entreprises. Je me barre ailleurs, moi. Tu vas laisser le sale boulot aux petits chinois, c'est ça? Hein, oui, ils vont écrire pour moi. Perdu maintenant, c'est trop bien. Voilà. Il est horrible. Il était obligé de faire ça. Mais oui, il est obligé. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas parti après cette blague assez mignonne, donc merci encore d'avoir écouté. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour le prochain podcast. Et d'ici là, allez au cinéma et ciao, salut. Salut. En plus, c'est même pas chinois. Mais... In the prairie sun, you unbothered to fool him around. When you've seen him, yours are gone, boy. When you've seen him, yours is gone.